chaise longue. Long, long, chaise longue, une chaise longue. C'est ça, allongé dans la rivière, et l'on dit qu'est au canal. Allongé à l'été, en soi j'ai vu, on est l'en soi. J'ai vu ses scènes, non séance, non ses jambes, non son cou. Oui, les tours, c'est ça, les tours. J'ai mis d'entrée les tours, oui c'est ça, ses paroles, j'ai dit. Et tout être à limite de sa terre, la vie, la vibration, c'est ça, l'on est folle. Oh. La louve au cou couché, c'est ça, oui. Et à l'eau des lumières, comme minuit, c'est ça, oui. Long, long, chaise longue, c'est une chaise longue. Une farandole des fratries sacrées, installée dans bohème, bohémienne, à l'odeur de violette. Oh oui, je vis, je crois, je vis, beauté grand souffleur, souffleur sans fin. S'ouvre, oui, c'est ça. S'ouvre sa main, j'ai vu sa main écrire, rire de l'encre. Oui, j'ai vu amour, effrayement. Serrer ses bras en braise, embrasser la peau au pire au plus près. Oui, c'est ça, parti, par où, parage, Paris, par là. Long, long, chaise longue, c'est une chaise longue. Long, long, chaise longue, c'est une chaise longue. Ma mémoire mémorise, mémoire aime odeur, couleur, fleur. Mémoire filtre le feu, calfeutre les désirs. Mémoire mémorise, murmurie. Ritualise, actualise, c'est délit, c'est le feu. Remplace mon parfum. Sans garde, viens, viens d'envie. Vie en flamme, vie trame, tisse le fait, habilité nuit. Courant qui court, ou qui rampe, ou qui allance. Effet en effet de son passage, effet des fleurs de son visage. Long, long, chaise longue, c'est une chaise longue. Long, long, chaise longue, c'est une chaise longue. Radio Arc-en-Ciel 96.2. Long, long, chaise longue, c'est une chaise longue. Long, long, chaise longue, c'est une chaise longue. Long, non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. ce calvaire, sous ton aile tout semble serein. Sur moi ils ont versé colère, piqué mon âme de leur venin. Ils m'ont fait mordre la poussière quand j'ai crié à l'assassin. Ils pourraient vouloir me faire taire, repousse-les dans le ravin. Tu lances tes paroles en l'air. Tomber dans leur piège, que tu me lâcherais jamais la main. Je te cacherais le florilège des sentiments qui sont les miens. Défends-moi, défais leur manège et fais tomber leur fantassin. Tu lances tes paroles en l'air. Ton plaidoyer solitaire danse les mots, tu me dépeins de la plus belle des manières. Je me blottis dans ton refrain. Tu lances tes paroles en l'air. Bonsoir à tous. Le vendredi soir dans l'émission Mareka, nous recevons habituellement des invités. Et ce soir, c'était pas prévu d'en recevoir. Donc voilà, c'était l'émission numéro 502. Et la semaine dernière, évidemment, nous avions des gens qui étaient venus nous rendre visite. Et ce que je propose, c'est qu'on récapitule un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le mois de septembre 2021. On va faire comme ça. On a déjà commencé puisqu'on a écouté un artiste qui était venu à une certaine époque. Je retrouve ça tout de suite. Donc c'était le mercredi 3 septembre. C'était Monsieur Jazz Blaze. C'était l'émission numéro 477. Et nous avons commencé cette émission avec un morceau qui s'appelle Sur une chaise longue. Et c'est un morceau qui était enregistré dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, puisqu'il y avait des interprétations en direct live, comme je sais que vous aimez. Là, on vient d'écouter un deuxième morceau très cool, juste avant le générique, hein, interprété par Burning Head. Vous le connaissez déjà, c'est Midnight Oil, Midnight Dub, voilà, je me trompe. Donc, c'était Harry Goni et Georgia Pulik, hein, avec un titre qui s'appelle Défends-moi. Et justement, Georgia était venue ici dans les studios pour nous parler un petit peu de son livre, hein, puisque c'est une romancière, on va dire ça comme ça. Et justement, elle nous a parlé d'Harry Goni, une personne qu'on connaît, puisqu'on l'a reçue nous aussi dans l'émission Mavrika il y a quelques temps déjà, quelques années, hein, le temps passe très vite. Voilà, on va continuer à voir un petit peu tous les artistes que nous avons reçus. Et en plus, j'ai une petite surprise, hein, je vous la garde pour la fin. Donc, Georgia Pulikin était venue avec Polo Paletta. Polo Paletta, c'est un des membres du groupe Angeville, un groupe de la région de Tours, hein, voilà, qui cherche justement à faire des dates dans la région orléanaise. Donc on va essayer de se débrouiller pour qu'ils viennent sur Orléans, pour qu'on puisse aller les voir, nous les Orléanais. Et justement, Georgia et Polo étaient venus. On vient d'écouter donc un morceau de Georgia, avec, puisqu'elle chante aussi dans le morceau avec Harry Goni. C'était dans l'émission numéro 477, c'était le vendredi 10 septembre. Et je propose justement qu'on continue à écouter de la musique et qu'on continue à écouter un morceau de Angeville, justement. Alors, j'en ai plusieurs, et puis j'en ai choisi un qui s'appelle Arc-en-Ciel. Donc ça va bien avec Radio Arc-en-Ciel en plus. On va écouter ce morceau-là. On écoutera après Accident Instantané avec Joanne Cantourné, hein, donc c'est le membre de ce projet qui s'appelle comme ça. Il était venu dans le studio dans l'émission numéro 479, et c'était le vendredi 17 septembre 2021. Voilà, on a pas mal de choses à découvrir. On est ensemble jusqu'à 22h, donc 3h ensemble. Et la petite surprise, ben, c'est une surprise pour moi aussi, puisque nous avons des invités dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il y a notre ami David McLean et Jimmy Sugar qui sont là. Donc ce qu'on va faire, on va papoter un petit peu, on va raconter un peu tous les souvenirs, puisqu'on a plein de souvenirs communs dans l'émission Mavrika, et aussi des concerts, des artistes qu'on connaît, tout ça. Donc restez avec nous, on va passer un très bon moment. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur votre terrasse ou sur votre balcon, si à défaut si vous n'en avez pas, ou alors en tout cas vous vous installez bien comme il faut, vous vous mettez bien à l'aise avec une bonne boisson, et puis vous mettez la musique à fond. Et si vous pouvez, n'écoutez pas sur votre téléphone, mettez un casque, mettez des haut-parleurs, mais n'écoutez pas sur votre téléphone. C'est de la bonne musique, il faut l'écouter bien comme il faut, avec une bonne qualité de son. Vous êtes avec nous donc dans l'émission Mavrika jusqu'à 22h. Kid, I used to see these trails in the sky all the time, and thought, oh, that's cool, a jet just went over. And then you started to see a whole bunch of them, and next thing you know, everybody in your neighborhood was fighting and arguing, and you didn't know why. Des fils de Cayenne, ce que la vie nous cache, c'est la colère terrienne. Des tornades sans attache et des pluies diluviennes. Les socles se détachent et s'arrachent les persiennes. Au nom des Apaches, les momies se relèvent. Des cryptes et des clashs, les pyramides se soulèvent. Le cri des fourmis, tels des brames du ciel. Mais que faire, mes amis, toutes ces armes sont nouvelles. Je blafarde des pendances orwelliennes. Les spirales nous avalent comme les billes de miel. Maux de gorge du mal quand il poussait de la grêle. L'oxygène ainsi sur les bords de l'Antarctique. Les marionnettes sans fil dont le poids est toxique. Font à leur esprit.

Voilà, on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des invités qui sont là. Justement, on est en train de caler un petit peu les réglages et en plus la petite musique de fond pour ceux qui sont habitués à l'émission. Vous savez que justement on va intervenir un petit peu tous ensemble. Donc on va accueillir nos invités. Il s'agit de David McLean et Jamie Sugar qui sont là dans le studio. Salut. Bonsoir. Vous allez bien? Salut, ça va? Ah bah oui, ça fait plaisir de vous retrouver, hein, parce que c'est vrai que ça, c'est compliqué, hein, avec la période qu'on a vécue, on se rend pas compte, 2 ans sont passés, et finalement, on a perdu beaucoup de contacts. Bon, on a quelques contacts sur Internet, tout ça, mais on se voit plus en vrai. Et ça devient un peu compliqué. Donc, ça me fait plaisir. Vous êtes passé ce soir, et puis, comme j'avais pas d'invité, je me suis dit, ah bah, impeccable. Comme ça, on va pouvoir discuter. On garde un petit peu l'esprit de l'émission Mavrika, parce qu'on aime bien discuter dans l'émission Mavrika. Bien sûr, hein. De musique et d'autres choses. Et en plus, tu vois, j'ai commencé à présenter les différents morceaux des artistes que j'ai reçus depuis le mois de septembre 2021. Ouais. Alors, y en a que tu connais, d'autres que tu connais pas. Jazz Blaze, tu m'as dit que tu connaissais pas. Non. Donc c'est un artiste que je connaissais pas non plus. Et depuis, bon, je le suis comme tous les artistes. Donc on a écouté un morceau qui s'appelle Sur une chaise longue. C'est un morceau qui a été enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il l'avait interprété en direct. Bon, sur une musique qui était quand même enregistrée en studio avant. Hein. Arrigoni avec Georgia Pouliquen. Donc Arrigoni, je sais que tu le connais. Enfin, je le connais de renom et surtout sa sœur que je connaissais. Bah oui, très bien. Marie, qui est chanteuse de Birmingham, ouais, entre autres. Birmingham, ouais. Puisque je sais qu'elle a plusieurs projets et ouais, Arrigoni, je le suis parce que j'aime bien ce qu'il fait. C'est vrai que je t'ai fait la réflexion d'ailleurs. Cette chanson, je la trouve sympathique comme tout celle que tu vas passer là. Et bien, d'ailleurs, on la passe assez régulièrement. Et justement, parce que Georgia était passée dans les studios pour présenter justement le morceau et son roman aussi. Et c'était donc le vendredi 10 septembre. Et elle était venue avec aussi Polo Paletta, qui fait partie du groupe Angeville. C'est pour ça qu'on a écouté juste après un morceau qui s'appelle Harpe en ciel. Et à l'instant, on vient d'écouter Accident instantané. Donc Accident instantané, tu le connais, Joanne Cantournet? Non, je comprends. Non, tu connais pas? Non. Ah bon, je pensais. Mais je deviens vieux, moi. Tu te souviens du groupe Need, peut-être? Oui, alors ça me parle, ça, oui. Oui, il était avec Elisabeth, voilà. Elisabeth. D'accord. Et Joanne font aussi le groupe Need. Voilà, il a plusieurs projets. Et donc, Accident instantané, c'est celui de Joanne. Et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Évaporé, E-E-S. Voilà, c'est et il y a un petit clip sur Internet que vous pouvez voir, hein, sur YouTube, sur Facebook, etc., où vous pouvez voir justement toute la mise en scène, parce qu'il y a des maquillages, il y a des éclairages, il y a plein de choses qui ont été faites et autour de ce morceau qui s'appelle Évaporé, donc Accident instantané. On va parler un petit peu de vous du coup, puisque vous êtes là et puis que ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. En tant qu'artiste, là ça reprend un petit peu quand même. Oui, on commence à avoir des dates qui arrivent, et tant mieux, hein, parce et que tant ça, mieux, nous, ouais. Ça nous manquait, hein, tu mets. Oh oui. de tous les styles, en fait, que ce soit pour Jimmy ou pour moi, on commence à avoir des petites dates sympathiques qui arrivent, des projets un peu fous aussi. On peut en parler de ce que tu as fait hier soir. Hier toute la journée. Hier, hein, toute la journée, oui. Coquine, là, hein. Elle m'a lâché toute la journée pour aller. D'accord. À Paris. À Paris, ok. J'ai enregistré une émission sur Netflix. D'accord, ah bon. Carrément, une émission. En fait, pour être plus précise, c'est un reportage qui va sortir le 29 mars sur Netflix. Non, c'est pas le 29 mars. Le 29 mars, c'est la série. Le film. Oui. Le reportage. Ça s'appelle quand même un reportage. Un reportage Johnny by Johnny. Oui. Je sais pas pourquoi je savais que ça parlait de Johnny. Je commence à connaître bien Jimmy. Ah bah oui, c'est ton idole. Hein. On rappelle pour les gens qui ne le savent pas encore, c'est vraiment Johnny, il est toujours dans ton cœur et continue de vivre. Il est toujours dans ma vie, oui, bien sûr. Oui. Ah oui. Alors si quelqu'un qui ne sait plus maintenant, je comprends plus rien. Bah, t'es pas la seule. Il y a beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, Johnny est toujours là. Oui. Il nous a laissé tellement de choses que de toute façon, c'est presque inépuisable. Moi, j'ai regardé il y a pas très longtemps. C'est où que j'ai vu ça? Je sais même pas si c'est pas... Je sais plus. Ah oui, c'est. Il y a aussi un groupe sur Facebook où il y a des trucs de Johnny. Ah bah il y en a pas qu'un. Il y en a pas qu'un. Beaucoup, ouais. Il y en a des centaines. Et j'étais tombé sur un truc où il y avait une vidéo. C'était la grande époque où il avait des cheveux longs. Les cheveux longs, c'était dans les années 70. Avec, il faisait du rock avec des super musiciens. On était jeunes nous à l'époque. Hein. Nous aussi, ouais. Et on était très jeunes, encore plus que lui. Et justement, c'était l'époque avec les grandes orchestrations, parce qu'il y avait le rock. Bon, le rock, c'est souvent quatre membres. Et là, il y avait carrément le grand orchestre derrière et des rockers devant, quoi. C'était vraiment le. C'était génial. Et je me suis remis et il se maquillait encore à l'époque. Donc il y avait, c'était le Johnny qui transpirait. Je me souviens, il y avait des gens quand on le voyait à la télévision, il dit Germaine amène de la serpillière. Il y a Johnny qui chante à la télé parce que c'est vrai, il donnait tout. Il faut bien le dire. Hein. Donc voilà, et j'ai regardé avec beaucoup de plaisir parce que c'est un côté de Johnny, parce que lui, on l'a connu jeune, il a eu cette période-là, il y a eu plusieurs périodes, il a vieilli. Il a eu 60 ans de carrière, quoi, c'est tout. Il a donné toute sa vie pour la musique, et donc on connaît plusieurs Johnny finalement. C'est toujours le même, mais il a tellement évolué, et suivant les époques, il y a les influences qu'il y avait de différentes musiques qui passaient à l'époque. Hein, donc les années 70, moi ça m'a fait du bien de revenir, de voir Johnny comme ça. Ah, voilà. On est en culotte courte. Voilà, donc elle était hier, elle était passée une émission. On m'a contactée en tant que grande fan de Johnny. On m'a contactée pour faire partir du reportage, en fait. D'accord. C'était la petite surprise que j'ai voulu garder, mais là, je peux plus. Alors, bah, comme ça, nous, voilà, tout le monde le sait. On le révèle. En fait, c'est pratiquement une exclusivité, parce qu'il y a que, c'est la première fois. J'en parle que là. D'accord, voilà. Très bien. Comme ça, les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel sont les premiers à le savoir. Voilà. Exactement. Le 29 mars, alors. Après le 29 mars. Le 29 sort le reportage sur Netflix. Johnny. Ouais. Et dans la semaine, la première semaine d'avril, le reportage. Ah, d'accord. Les fans. Ok. Sur les fans, voilà. Voilà, alors on a passé la journée à parler, bah, évidemment, de Johnny. Puis il voulait regarder ce que ça pouvait me faire de regarder Johnny à la télé, regarder les émotions que j'avais. En fait, ils étaient curieux de tout. Et moi, j'ai passé mon temps à parler. Ils nous ont fait, surtout qu'ils nous ont dit, surtout pas de noir entre les deux. De blanc. Noir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Eh bien, il n'y a pas eu de blanc. Il n'y a pas eu de blanc, tellement j'ai parlé. Parce que souvent, ils font des montages, c'est-à-dire les gens, ils parlent, et puis quand il y a un blanc, ils le coupent, ils le raccourcissent. Ouais. Quoi. Et là, il n'y a pas eu besoin. Donc le technicien, il dit, hop, c'est bon, tout est bon, il n'y a pas de blanc, il n'y a rien à couper. Il n'y a pas eu de blanc, là. Donc voilà, on a passé la journée là-bas, et puis voilà, j'ai hâte de le voir aussi. Hein, ah bah oui, c'est sûr. Moi, j'ai pas vu, non plus. Et en plus, t'es un peu une habituée, parce qu'on t'a déjà vu plusieurs fois dans des émissions qui parlent de Johnny à la télévision. Toujours, là où on parle de Johnny, je suis jamais loin. Et justement, qu'est-ce que ça te fait de le revoir maintenant? Parce que, bon, malheureusement, il nous a quittés il y a quelques temps. Il y a cinq ans bientôt. Hein. Oh là, c'est incroyable. Suite, hein. Oh, j'ai pas vu le temps passer. Ah non. Mais bon, quelque part, il y a aussi, ça s'est cicatrisé un petit peu, parce qu'au début, vraiment, on n'arrivait pas à le croire. Et voilà, c'est comme une idole. Il est parti, et puis donc le voir des vidéos, écouter des chansons, ça devait donner envie de pleurer. J'ai pleuré, justement. Bah oui, j'allais dire, j'ai pleuré. Et hein, aujourd'hui, c'est un peu cicatrisé. Tu te dis, maintenant, il est bien là-haut. Et non. Toujours, fait le deuil complet. Donc, toujours pas, moi. Toujours pas. Donc, c'est pour ça que c'est dur de le regarder chanter. Bah oui, c'est ça. Parce dès qu'on en parle, bah, tout de suite, bah, j'ai les larmes aux yeux. Hein, c'est obligé. Hein. Mm. J'arrive pas. Hein. Ah bah oui, mais ça c'est quand on apprécie quelqu'un, il y a des gens comme ça qu'on a perdu malheureusement dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Et il y a des gens qu'on n'oublie jamais, toujours, ça nous fait toujours mal quand on y pense. Oui. Et toi, Johnny, c'est comme un membre de ta famille. Ben voilà, hein, parce que quand il est parti, j'ai reçu pas mal de messages ou de coups de téléphone, on me disait quand même toutes nos condoléances. Alors ça m'a encore touché encore plus parce que pour moi, déjà, il faisait partie de ma vie et de ma famille. Mais là, d'entendre ça, j'ai dit, bah, la vache, quand même. Hein, parce que les gens savent à quel point j'y tenais et puis que je l'aimais. Quoi. Donc là, même en parlant là, j'ai encore fou. Ça me fait quelque chose. Hein, c'est sûr qu'on s'imagine vraiment et tout ça. Donc, et toi, David, comment tu prends la passion comme ça de Jimmy pour Johnny. Parce qu'au début, toi, Johnny, c'est quelqu'un que tu as toujours apprécié. Il y a des chanteurs que je préfère à Johnny, c'est clair. Ouais. Mais disons qu'en fait, il y a deux choses. Déjà, effectivement, j'avais, bon, Johnny, il nous a accompagné toute notre vie, hein, faut être honnête. Et je le connaissais sans plus que ça. Je survolais Johnny aussi bien au niveau musique, au niveau cinéma, tout ça. Voilà, c'était sans plus. Bon, Jamie, à travers notamment la chanson que j'avais écrite pour elle, elle m'a fait entrer dans le monde de Alidesk, que j'appelle. Et j'ai rencontré des gens fort sympathiques d'ailleurs, des gens passionnés de Johnny. Voilà, donc il est partout à la maison aussi, il faut dire, hein. Je veux dire, il n'y a pas un mur où il n'y a pas de Johnny à la maison, hein. Il n'y a pas de photo de moi. Là, c'est sûr, hein. Mais les photos de Johnny, ouais, il y en a partout. Bon, voilà quoi. Donc moi j'ai pris Jamie parce que c'est Jamie. Donc voilà, il y avait Johnny avec dans le paquet, il y avait Johnny. Ah oui, c'était le paquet, j'avais averti. C'est Johnny et moi. Donc voilà, c'est mais alors je vais t'avouer que on fait des spectacles où Jimmy chante du Johnny, et moi je l'accompagne à la guitare ou enfin voilà, et face aux fans, je me fais plaisir, quoi. Déjà en tant que musicien, je me fais plaisir, et surtout par rapport à la réaction des fans où voilà, dès que tu fais un accord, voilà, ils chantent, ouais, avec nous et tout. C'est fabuleux, c'est pour un musicien, c'est fabuleux, parce, hein, que l'avantage justement, c'est Johnny Hallyday, il a fait une grande carrière en France, quoi, finalement, et dans les pays francophones, et pas forcément aux États-Unis où on le connaissait, mais pas plus que ça, c'est pas, ouais, voilà, c'est parce que bon, il paraît que moi j'avais vu une émission dans laquelle il avait, je me souviens plus, c'était à Miami, où il avait une maison, et puis les gens savaient que c'était un chanteur français, mais ils ne connaissaient pas plus que ça, quoi. Donc il faut savoir que ça marchait, mais par contre en France ça a été quelque chose, parce que c'est il chantait des chansons en français, il nous a fait découvrir, il faut, lui et d'autres, hein, il y a pas que lui, mais c'est ceux qui ont commencé à nous faire découvrir les chansons, beaucoup de reprises anglaises, ouais. Je dis espagnol parce que je pensais à Noir c'est Noir, hein, ouais, qui à l'origine était un groupe espagnol. Il y a eu des groupes, des musiques américaines, etc., qu'il a repris aussi, anglaises. Donc il nous a fait découvrir un peu le rock'n'roll. Mais après, Johnny Hallyday, c'est un chanteur de rock'n'roll, mais pas que, parce qu'il nous a fait des balades, il nous a fait Ah bah bien sûr, ouais. C'est un chanteur qui était quand même... voilà, il est beaucoup de cordes à son arc. Et moi, je connais quelqu'un qui a travaillé avec moi pendant des années et qui a tout, un album avec toutes les photos qu'il a pris lui-même de Johnny, parce qu'il a fait tous les concerts de Bercy. Oh là là. Donc, il a tous les billets dans un album photo, il y a tous les billets de Bercy des années 70. C'est ça qui est marrant, parce que voilà. les fans, c'est, je veux dire, c'est presque une religion. Moi, je vois les fans, mais il faut voir tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils peuvent avoir, ils l'ont, je veux dire. Je vois les disques, les albums, les trucs pirates qui ont été enregistrés dans un machin. Et puis ils savent tous, ils rivalisent tous. L'album, ils ont la version japonaise, la version machin. Ouais. voilà, il y a plusieurs versions. L'original, celle qui est sortie après, c'est la réédition. Avec il y a une différence, parce que celle-là, dedans, il y a une pochette en plastique, l'autre, il y a une pochette en papier. Voilà, c'est les collectionneurs. Ils ont ça sous blister. Ils rivalisent tous de connaissances par rapport à Johnny, c'est clair. Voilà. Nous, on fait beaucoup de rassemblements maintenant, parce qu'on a appelé par rapport justement à la chanson qu'on a faite, Au revoir Johnny. Et à chaque fois, donc on se retrouve à manger avec des fans et tout ça. Des fois, quand je dis à manger, la dernière fois, on était à la Madeleine, où Jimmy a chanté. Je sais pas, on était 100-150 ensemble, toi. Et là, non seulement ça chantait, mais exclusivement de Johnny, mais quand ça parlait, ça parlait de Johnny et de Johnny et encore de Johnny. Quand il parlait pas de Johnny, toi, c'était que ça. Hein. Et tous avec la même passion et tout ça. C'est un monde fabuleux. Alors moi, qui suis un peu étranger à ça. Ouais. Même si je le vis, et je veux pas dire le subir, mais hein, quand même. je suis admiratif, parce que voilà, c'est des gens, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ils sont de tous les milieux. De toutes les classes sociales, de tout. Il y a des banquiers, il y a des ouvriers, ils ont qu'une religion, c'est Johnny. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment l'idole. Je crois que c'est une plus grandes idoles. Il y a eu des grands chanteurs, surtout dans les. Aujourd'hui, ça devient rare des gens qui font des carrières. Tout ça. Non, parce que les maisons de disques ne veulent plus les faire. Voilà. Ou alors ils s'auto-produisent et après ils deviennent des stars. Et puis avec l'argent qu'ils ont, ils font des trucs et puis ils arrivent à faire des carrières. Mais parce qu'ils se sont auto-produits. Voilà. Parce que s'ils doivent compter sur les autres, au bout d'un moment, ils les laissent tomber. Moi-même, le premier, je m'auto-produis. Parce que sinon, les maisons de disques, non, ils veulent pas. Ouais. Voilà, c'est ça. Ils veulent plus s'engager. Ils veulent du changement, de toute façon. les gens veulent non, ils veulent de l'immédiat. C'est surtout ça. Tu fais un tube, il fonctionne, voilà, ils te le mettent, ils le bastonnent, ils prennent de l'argent. Et après, si t'es pas capable d'en faire un deuxième, ils te jettent. Voilà, c'est tout. Mais ça se passe comme ça. Mais ça fait des années comme ça. Hein. Mais moi, j'écoute des fois d'autres radios où je tombe sur des morceaux, des Rolling Stones, des trucs comme ça. Et après, bon, ça, c'est des trucs qui restent. C'est des standards. C'est les chanteurs. Voilà un exemple. Tu parles des Rolling Stones. Ouais. Voilà un exemple. Les Rolling Stones. Il faut savoir qu'à un moment donné, dans les années 70, entre 75 et 80, ils ont eu un gros creux de la vague, comme on dit. Ouais. Et la légende dit que les Beatles se sont rencontrés avec l'un et c'est eux qui les ont aidés. Mais aujourd'hui, les Rolling Stones tels qu'ils sont, tout Rolling Stones qu'ils sont, ils auraient ce creux de la vague, il n'y a personne qui les aide, allez hop, ils auraient dégagé depuis longtemps. Voilà. Même Johnny, qui a eu à un moment donné un creux de la vague, il faut le reconnaître, il aurait dégagé. Donc voilà, aujourd'hui, c'est de l'immédiateté. Voilà, si t'es pas capable de fournir un tube tout de suite, bah tu dégages, mon gars, on n'a pas le temps à perdre. Et justement, dans ces dernières années, hein, depuis les années 2000, peut-être 1990 aussi, hein, y a des gens qui ont eu du succès, qui ont fait un tube, deux tubes, et on les a oubliés. Bah oui. Et des fois, on réécoute, je dis, mais pourtant, on écoutait ça à la radio sans arrêt. Bah et aujourd'hui, ça a été oublié complètement. Ça et reste pas, c'est. Et souvent, ils ont eu un tube, justement, parce qu'on les écoutait à la radio tout le temps, qu'ils m'attraquaient. Voilà, c'est ça. C'est tout. Bah oui, parce qu'à une époque, forcément, les gens n'avaient pas Internet, ils pouvaient pas écouter ce qu'ils avaient envie. Ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Ou alors on achetait des disques sans arrêt, mais c'était pas évident non plus parce que ça coûtait cher. Ou alors on enregistrait des trucs avec des copains parce qu'on avait un réseau. Ou alors on écoutait la radio. Et puis beaucoup de gens faisaient des cassettes en enregistrant deux doigts sur le rec et play, prêts à enregistrer dès qu'il y avait un truc qui nous plaisait. Quoi. C'était un peu comme ça que ça se passait. Bah oui, bah, à une époque c'était comme ça, de toute façon il faut se remettre à cette époque-là. Mais quelque part, quand on avait un morceau, on l'avait mérité et on était content de le présenter. Bah ouais. On faisait des soirées, on avait 20 disques et puis on faisait une soirée quoi. Ouais. Aujourd'hui, il en faut plein et puis les gens, t'as pas le dernier morceau de machin truc et puis il faut aller le télécharger sur internet pour pouvoir le diffuser quoi. Bah oui, c'est ça. Voilà, donc on pourra avoir des disques durs remplis de plein de musique, il y en a toujours quelqu'un qui va nous demander quelque chose d'autre. Eh ouais. Mais alors maintenant nous ce qu'on a opté pour le travail à la maison. Toi nous on travaille à la maison, enfin le télétravail ça s'appelle. Non, je veux dire musicalement c'est que j'ai un studio, je travaille dessus, je fais mes enregistrements, on fait nos enregistrements et on produit nos disques nous-mêmes, on les fait nous-mêmes, voilà, ils sont passés par voilà et puis c'est à part du consommateur, enfin du consommateur au producteur ou producteur au consommateur. Bah, beaucoup de gens que je reçois ici, c'est comme ça aussi qu'ils le font, hein, donc oui, voilà. Parce que c'est pour ça que nous on s'intéresse parce que on est une radio qu'on est vraiment là pour les artistes émergents et même ceux qui ont décidé de s'autoproduire, qui sont pas forcément diffusés dans notre radio, nous on est là pour ça aussi. Donc on les encourage. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont agréables à écouter, qui sont même des fois très plus qu'agréables, qui ont beaucoup de talent et tout ça. Et voilà que les maisons de disques ne s'emmerdent pas à écouter, même pas, parce que déjà à mon époque, quand j'étais un peu plus jeune, moi j'ai eu l'occasion d'aller dans les grandes maisons de disques, style Universal et compagnie. Quand je te dis que sur les bureaux des agents artistiques, il y avait un mètre de CD en hauteur. Ils écoutent même pas. Non, faut le savoir. En fait, ils prenaient deux, trois, toc, ils écoutaient, puis tout le reste, ça passait à la poubelle. Mais c'est pas un 20 mots, ils prenaient tout. Il y avait un carton, allez hop, à la casse, à la poubelle. Et tout ça, c'est des gens qui avaient pris le temps de mettre sous enveloppe et d'envoyer, nanana, nanana, et hop, ils se retrouvaient sur un bureau, puis après, ils se retrouvaient à la poubelle. Voilà, parce que ça faut que ça aille vite, faut que le commerce fonctionne, Tu sais que quand par exemple ils prennent la peine de prendre un morceau et le mettre dans leur platine et ils écoutent les quelques premières secondes. Ah et ouais. Si les premières secondes sont pas bien, c'est un peu long tout ça, bah hop, c'est le morceau il écoute même pas en entier. Ah ouais, donc il faut vraiment que ça accroche dès le départ et puis que ça leur donne envie d'écouter le reste. Et donc voilà, ils ont tellement le choix que forcément. Mais c'est ça. Mais c'est peut-être pas d'hier. Hein. Il y a eu des tas de tubes. L'un des plus connus, c'est Bohemian Rhapsody de Queen. Queen, ouais. Ils en voulaient pas. La maison de disques n'en voulait pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on s'est sorti, c'était un phénomène étrange, ce machin, entre l'opéra, entre le rock, c'était un grand délire, ouais. Freddie Mercury avait raconté, il disait, voilà, il aimait bien imiter un petit peu, et donc il aimait l'opéra, ouais, et puis il avait une voix, bah oui, moi, ouais. Je fais la même chose, ça donne pas la même chose, quoi. Il avait le truc, quoi, il avait une voix, le charisme, c'est un gars qui était très timide, mais alors sur scène, il devenait une autre personne, et sa voix, elle est inimitable, hein. Queen a continue, il a pu plusieurs chanteurs de ça. Non, mais là ils en ont un canadien. Oui, je me souviens plus le nom, je me rappelle plus de son nom. Qui... Ouais, mais bon, ça sera pas Freddie Mercury, c'est-à-dire que Freddie Mercury c'était quand même particulier. Donc aujourd'hui, mais Queen reste quand même Queen, hein, c'est quand même. Ouais, mais Brian May le dit, hein, il dit bien que ce chanteur-là, ouais. C'est un bon chanteur, quoi, ok. Et même le gars, je me rappelle plus. Il y a un nom français en plus qui a joué, chanté aussi avec eux. Alors, je me souviens plus, j'ai plus les noms en tête, mais ils ont fait toute une tournée avec lui, et finalement ils l'ont pas gardé parce qu'ils ont dit non, voilà, on a fait un truc bien, mais et là ils en ont trouvé un autre où ça s'approche un peu plus peut-être, voilà, aussi, ouais, de Freddie Mercury, mais même lui, aussi bien que Brian May que ce chanteur là dont j'ai perdu le nom, ils le disent, c'est pas un remplaçant de Freddie Mercury, ben non. Parce qu'il n'y a pas personne qui pourra le remplacer, voilà, c'est un autre interprète et qui interprète avec à sa façon, et c'est bien ce qu'il fait. Moi, j'ai l'occasion de le voir. Ouais, il avait été découvert dans un truc. American Idol ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, l'équivalent un peu. Un radio crochet. Un radio crochet, un truc comme ça. Ouais, ouais. Et qu'il n'avait pas gagné d'ailleurs. Il avait terminé deuxième, il était en finale, il n'avait pas gagné. Et ce gars-là, il, en fait, en finale, il avait joué justement avec les Queen. Donc, toutes les 100. Sans forcément, je perds mes mots, hein, comment ça s'appelle, sans Freddie Mercury, mais donc il l'avait accompagné sur, je sais plus quel titre, et il s'avait accroché, et c'est après qu'ils ont décidé de faire leur combinaison ensemble. Ouais, parce qu'après ils ont réfléchi, du coup, et c'est très bien, et après ils se sont dit, attends, le mec là, c'est quand même, ils sont revenus dessus, et finalement ils ont fait le contrat et tout ça, donc. Mais c'est bien ce qui, voilà, ouais. C'est parce que ça permet de continuer, et puis ceux qui aiment la musique de Queen, ils peuvent aller voir en concert et tout ça, parce que les musiciens de Queen, c'est pas des manchots non plus, toi. Il y avait, bon, bien sûr, il y avait Freddie Mercury, mais Brian May à la guitare, je te rends compte, ouais, pas, quoi. C'est pas moi, quoi. Donc, là, pour un coup, un bon guitariste aussi. Non, et puis, bon, vous avez innové, plein de choses différentes. Mais bien sûr. Moi, je me souviens, les premiers albums de Queen. Regardez ça, c'était. Moi, je sais que c'était mon groupe à l'époque. C'était. Bon, j'ai connu, il y a eu plusieurs périodes, mais Queen, je me souviens de la période Queen. J'allais chez copains, ils avaient l'album. On ouvrait l'album où il y avait le géant, là, l'espèce de robot, ah ouais. Et tout ça. On écoutait ça, on mettait ça sur la platine, on écoutait ça, on était transportés, parce que ça, c'est pas ce que. C'était complètement nouveau. Alors moi, je faisais ça à l'époque, mais avec mes copains, mais on faisait ça avec Deep Purple. Deep Purple, tu sais, il y avait beaucoup de. Moi, je me souviens aussi, bon, à l'époque, il y avait les années 80, donc début des années 80, rock des années 80, Police. Ah bah ouais. Boom. On prenait ça. Là, c'est un rêve, c'est voilà, chose, c'est... Ça, c'est. Voilà, mais il y a eu des trucs comme ça. Genesis. Dire Straight aussi. Dire Straight. Voilà, c'est des gens qui ont apporté des nouveautés, de nouveaux mondes. Moi, ce que je. Alors, je parais comme un vieux con, comme on dit. Aujourd'hui, je crains que voilà, il y a trop d'uniformité et on voit plus justement d'aspérité. On a vu un groupe que tu connais, il y a pas longtemps. On avait fait une soirée avec eux. Enfin, ils étaient en train de jouer, nous on jouait pas. On était partis pour avec des copains en train de manger. Il s'appelle West. West. Très très bon groupe que j'ai pas encore reçu. Hein. Pourtant, je les suis depuis un moment et vraiment, tout le monde me dit. Ils sont excellents. Ils sont très bons. Le seul reproche que j'ai fait, et je peux le dire, Jimmy, il n'y a pas d'aspérité. C'est trop lisse. C'est trop bien, en fait, si tu veux. Tu vois, nous, à l'époque, en rock'n'roll, fallait que, toi, ça gratte un petit peu, quelque part, pour nous titiller un petit peu les oreilles, tu vois. Fallait qu'il y ait un petit peu, quand t'entends, Keith Richards à la guitare, t'entends bien que les cordes à gratte, ouais, toi. Et puis le solo, il est pas passé de la même manière, ouais, mais ouais. Il est parti sur le voilà. Truc, et puis voilà, c'est bon. Et eux, c'est trop carré, trop millimétré. Pour moi, qui aime un petit peu les trucs qui raillent un petit peu, les voix rock un petit peu, j'ai trouvé que c'était un peu trop lisse. Aucun reproche sur la qualité elle est là, c'est des bons musiciens, des bons interprètes et tout, il n'y a pas de problème, mais sur l'ensemble j'ai trouvé ça un peu Voilà, je suis resté un peu sur ma faim. Préféré que voilà, il, voilà, des fois il, s'est, voilà. il s'évade un petit peu, il s'écarte un petit peu de l'original. Ouais. Alors que là, c'est de la reproduction ah, parfaite. Ah oui, oui, oui, oui. C'est bien. Par non, contre, non, alors par là, contre, tout le monde m'a dit que c'était bien. J'ai vu quelques vidéos. Super bien, c'est là. Vraiment, je conseille si vous d'aller les voir parce que c'est vraiment des bons musiciens. En ce qui me concerne, voilà, je oui, reproche. Après, et voilà, après, chacun a ses goûts et tout ça, et voilà. Voilà, sinon, c'est un bon groupe ouest, je vous conseille ce groupe. C'est pas une critique négative, toi. C'est un ressenti que j'ai c'est eu. C'est peut-être un choix qu'ils ont fait eux aussi. Ah oui, mais voilà, complètement. Parce que il y a certaines personnes qui reprennent des morceaux, parce que bon, ils font beaucoup de reprises, C'est pratiquement que des reprises. Ah ouais, la soirée, c'était que des reprises. Que des reprises je sais pas s'ils font des compos, mais je sais que bon, ils reprennent beaucoup de morceaux. Et, après, c'est un choix. Il y a certaines personnes qui s'accaparent le morceau, ils le jouent à leur manière. Des fois des réinterprétations même on dit oh le morceau je connais ouais mais là il jouait différemment mais il y en a d'autres qui essaient de jouer comme à l'identique et eux ils ont peut-être fait ce choix là donc je pense après, c'est voilà, ça de toute façon c'est clair que c'était vraiment comme à l'identique hein. Limite des fois tu te demandes tiens c'est eux qui jouent c'est le ils ont bien dit comme non, quoi ils jouaient bien ils jouaient bien c'est qu'ils ont bien dit ce qui pour l'instant là ils font semblant comme certains font à la télévision c'est très grand ouais bah surtout que qu'ils jouent vachement bien mais ils ont oublié de brancher leur guitare. Oui, alors ça, moi, ils sont en extérieur, et puis, je dis, leur guitare, elle est alors, je vois bien qu'il y a le HF, toi, ça existe toujours. Mais quand tu vois que les amplis sont pas allumés. Non, mais bon, après, on comprend aussi, c'est une mise en scène. Et puis, jouer en direct, souvent, ils veulent pas prendre de risques. Parce que capturer un son en direct, c'est pas évident. Donc, il faut, déjà l'acoustique de la salle, il faut le matériel, il faut des techniciens. Donc, bon, quand on passe dans une émission de télévision, souvent. Ouais, surtout ils vont pas s'embêter. Donc ça se comprend. Hein. Ça, c'est quelque chose qui se fait très régulièrement. Donc voilà. Absolument. Bon, on papote beaucoup. On va peut-être écouter un peu de musique. Bah, tiens. Parce qu'en plus, on va essayer de recaler plein de trucs. Parce que là, du coup, j'ai commencé à remonter au mois de septembre. C'est au moment où j'ai repris les émissions. Parce que pendant un petit moment, on avait un petit peu arrêté aussi. Bah ouais, parce qu'il y avait plus que. Il y avait le confinement, mais ça, on pouvait quand même venir. Mais après, il y avait le couvre-feu. Et le couvre-feu, je pouvais pas rentrer à la maison. Ou alors, je venais ici, je dormais ici. Mais bon, ça s'est pas fait. Et puis après, dès que ça s'est un petit peu décanté, j'ai commencé à revenir, à refaire des émissions et à recevoir à nouveau des gens. Et on en était à accident instantané avec monsieur Joanne Cantourné. Et après, j'ai reçu Willy. Alors, tu connais Willy ? Non. Willy, c'était le chanteur. Là, je vais pas avoir le nom qui va me revenir. C'est le chanteur. On va l'écouter et je vais te retrouver le nom du groupe. D'accord. Il était déjà venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, chanteur d'un groupe, et là, il est revenu avec son projet personnel. Donc Willy, il a interprété un morceau qui s'appelle Je suis libre. Alors là, c'est le morceau qu'il a enregistré lui, et on va l'écouter tout de suite, et puis on en parle après. Pas de problème. C'est parti. puis surtout sur des airs andalous. J'ai voulu y croire, aveuglé par l'espoir. garçons, les coiffeurs, les garçons touchés, les fonctionnaires, les fonctionnaires, les milliardaires, les drogués, les alcooliques, les anonymes, les superstars et ta frangine. Bienvenue dans le club privé, c'est le groupe Angeville. Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Alors aujourd'hui c'est la 502e, on récapitule un petit peu toutes les émissions depuis le mois de septembre. Donc on a écouté tout à l'heure Accident Instantané avec Évaporé et ES, Willy avec Je suis libre, notre ami Bruno Bauer avec Aucune merci, et à l'instant bah, encore un deuxième morceau, donc Angeville avec Club Privé. Donc on est avec notre ami David McLean et Jimmy Sugar dans l'émission Mavrika. On papote beaucoup. Hein. Est-ce que tu connais les artistes qu'on vient d'écouter là ? Non, pour les non. trois quarts, non. Non, non pas les trois quarts. Donc voilà, parce qu'avant t'étais au courant de tout ce qui se passait. Tu venais souvent dans l'émission Mavrika. Déjà, oui, j'avais beaucoup de connaissances à travers l'émission. Et puis, on sortait pas mal, mais là, ça fait quelques temps. Bah, toi, c'est pas qu'on se range des garages, dans le garage, mais disons que voilà, on sort moins. Et puis, j'ai plus la tête dans le guidon avec les compositions, avec pas les concerts parce qu'on en a pas fait depuis quelques temps maintenant, mais même si ça reprend. Ça reprend. Mais ouais, j'ai le nez assez dans le guidon pour la compo, pour les enregistrements, pour tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai pas le temps de trop d'aller voir à l'extérieur. J'observe de loin. Et des fois, il y a des choses qui m'interpellent. Je dis, ah, ça c'est bien. Et mais voilà, régionalement, c'est vrai que non, je suis pas très au fait, plus très au fait de ce qui se passe. Bah ouais, voilà, on va se remettre. Et en plus, pendant un petit moment, il n'y avait pas vraiment d'événements. Là, ça repart un petit peu. Alors là, c'est pareil. À une époque, on avait l'habitude de faire l'agenda de Mavrika. J'avais un assistant. Aujourd'hui, c'est effectivement l'agenda de Mavrika. Bah, ce que je dis aux gens, c'est d'aller sur la page Facebook, hein, le nouvel agenda de Mavrika. Parce qu'il y avait une page qui s'appelait l'agenda de Mavrika, qui existe toujours. Mais le problème, c'est que j'arrive plus à partager les trucs dedans. Donc, je me suis dit, bon, après, après le Covid, on repart, on un nouvel agenda de Mavrica. Là, je peux partager tous les trucs. N'hésitez pas, hein, si vous avez des groupes, des événements, des choses comme ça, vous partagez vos événements à cet endroit-là. Et puis moi, j'ai un regard dessus. C'est-à-dire, si ça n'a aucun rapport avec ça, je peux me permettre de l'enlever. Ouais. Mais à partir du moment où c'est des concerts, des soirées, des tremplins, de ce que vous voulez, et que ça a un rapport avec la musique, et ben, c'est là qu'il faut le mettre, hein, justement. Bah, tu l'as mis le 8 avril. Ah non, j'ai rien. Ah mis, bah, non. Il va falloir qu'on le mette, voilà. On va le mettre le 8 avril parce que moi, quand Madame tout, chante. Madame chante le 8 avril à Bois Commun. D'accord. Et on va faire une grosse soirée, en fait. Donc, elle va faire son show. Moi, je vais l'accompagner aussi pour certains morceaux à la guitare. D'accord. Et puis après, pour ceux qui voudront rester, peut-être que j'en ferai une ou deux à moi. Bah oui. Hein. C'est sûr, même. C'est sûr. Ouais, non, je ferai, voilà, après, je vais faire une petite deuxième partie de Jimmy Sugar, voilà, avec ma guitare. Mais on va faire une belle fête et c'est marrant parce que c'est un endroit qu'on connaissait bien avant, on était nombreux à aller jouer. On avait été plusieurs fois. Et la patronne qui a changé depuis l'époque de notre jeunesse, monsieur, décide de reprendre. Donc voilà, moi j'encourage les gens à venir parce qu'il y a des endroits comme ça où faut aller parce que ils nous reçoivent. C'est super sympa. C'est vrai qu'on a passé des super soirées. Voilà. Moi, j'ai des très bons souvenirs de ces endroits-là. Les gens nous reçoivent les musiciens. Ils offrent des spectacles. Mm-hmm. Donc, ça permet de faire des découvertes, de passer des bons moments, des bonnes soirées. Il faut impérativement que les gens suivent parce que sinon, les organisateurs ne pourront plus assurer. S'ils n'ont pas de public, ça sert à rien, quoi. Je veux dire. Donc voilà. Il y a des endroits comme ça. On a un copain aussi à Coulon, oui, qui a ouvert un établissement qui s'appelle le Starmania. Dans le camping de Coulon. Alors faut y aller aussi, c'est pareil, parce qu'il reçoit du public, il reçoit des artistes de tout style. Il nous a reçu, nous, déjà on a fait chacun plusieurs fois déjà, oui. des spectacles, mais il n'y a pas que nous, ça peut être des spectacles R&B, ça peut être des transformistes, ça peut être de la magie. D'accord. Ça peut être, ouais, voilà, plein de choses différentes, voilà. Quoi. Donc et c'est vraiment des gens avec un bon esprit. Et moi, je pense que le public se doit de les encourager en se déplaçant, en allant voir ces spectacles. Bah, ça vous coûte quoi, hein, une consommation? C'est pas grand chose. Vous y allez entre copains et vous allez passer des bons moments. Donc c'est pour ça que j'encourage les gens à venir là le 8 avril à venir nous voir. Mais pas que nous, hein. Je veux dire, il y a plein d'endroits où il faut aller et des gens qui se décarcassent, donc ils méritent notre déplacement. Mmh. Donc c'est le 8 avril, Bois Commun. À Bois Commun, oui. Ça s'appelle comment le bistrot du Bois Commun. Le bistrot du Bois Commun, donc ça, voilà, on va le trouver. C'est au milieu de la place, en plein Bois Commun, c'est pas à Paris, hein. Il y a pas 36 places non plus. Alors c'est entre la grande avenue, c'est la place et du marché, le périphérique de, voilà, entre le périphérique de Bois Commun. Et c'est place du marché, je crois, c'est oui, ça. C'est ça. Un place du marché. D'accord. Voilà. Moi j'y avais été, j'avais trouvé, donc il y a pas de raison. Mais pour pas trouver à Bois Commun, non, là faut vraiment. Faut se racheter des lunettes. Surtout aujourd'hui avec les GPS. Hein. Oui, ouais, mais même c'est Bois Commun, je veux dire, tu fais un pas, tu es dehors de la ville, quoi. Donc, D'accord, c'est un petit endroit, mais bien sympathique. Ouais, ouais. Il faut les encourager. S'il y a des gens qui se décarcassent à ouvrir des endroits pour accueillir des artistes, eh bien, il faut les récompenser en allant voir les artistes. Tu sais, moi, il y a plein d'endroits comme ça où. Moi, je me souviens à l'époque où c'était encore l'infrared. Ouais. Le jour où j'ai appris que ça allait fermer, je me suis dit mais j'ai loupé plein de trucs, quoi. Finalement, j'aurais pu venir beaucoup plus souvent et j'ai pas été aussi souvent que j'aurais voulu le faire. Et je me dis c'est dommage parce que maintenant ça sera fini. Heureusement, il y a eu Blue Devil, aujourd'hui le Drop Peak, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Donc voilà, ça continue. Mais je sais vivre. Pas s'il fait des spectacles maintenant. C'est reparti. Ah là, bon. Ça, il y a déjà des concerts. Il faut aller voir sur le nouvel agenda de Mavrica. Ah bah voilà. Il y a plein de trucs. Effectivement, il y a déjà des dates et tout ça. Là, ça repart bien. Il y a pas mal de choses. Donc voilà, il y a des endroits où on peut aller. On peut en citer d'autres. Il y en a pas mal sur Orléans. Il y a la Java Pop aussi avec Ami Paco qui organise des même quand il y avait le confinement, continuer à faire des concerts privés mais diffusés sur internet pour faire vivre le truc. Ça j'ai toujours dit vraiment il avait beaucoup de mérite à continuer à faire ça parce que il y a le commerce, c'est un commerce finalement, parce que il y a des boissons, il fait venir des artistes, et là finalement il continue à faire les concerts même si ça lui rapportait pas, juste parce que c'est un passionné et qu'il aime la musique. Mmh. Et ça c'est important. Les endroits où il y a des passionnés, on voit la différence entre quelqu'un qui bon, parce que les musiciens, bah forcément il les défraie aussi, il les paye, il leur donne des choses, et voilà, et ça marche comme ça. Et il y a des gens qui gagnent de l'argent sur le dos des musiciens qui leur donnent rien, et il y a des endroits où on est bien reçu. Il faut le maximum pour qu'ils gagnent leur journée, quoi. Et en plus, qu'au moins ils aient un petit quelque chose, le chapeau, n'importe quoi, il y a toujours quelque chose pour eux. Et puis en plus, ils sont bien reçus, ils leur donnent à manger, ils leur donnent à boire. Voilà. Il y a des endroits où il n'y a rien de tout ça, il faut savoir. Donc, qu'il est beau, mon Dieu. On en connaît. On peut citer aussi le Croque-Bedaine, qui actuellement, ben là, pratiquement tous les groupes y passent. Donc, à mon avis, si ça marche comme ça, c'est qu'ils sont bien reçus. Voilà, il y a des endroits comme ça. On peut en citer d'autres, hein, mais bon, actuellement, c'est un peu ça, hein, sur Orléans. Ouais, après il est évident que par rapport à il y a quelques années, il y en a un peu moins, mais ça change, hein. C'est-à-dire à un moment c'est tel endroit, après ça ferme, il y a un changement de propriétaire, il y a des difficultés financières aussi qui font que des fois on peut plus, ou alors des fois des problèmes avec les voisins. Il y a eu aussi des endroits donc voilà, et puis après des problèmes de sécurité aussi, parce qu'il y a des endroits où on faisait des concerts qui après on pouvait plus les faire parce que ça correspondait pas aux normes, etc. Bah d'ailleurs l'Infrared a eu ce cas-là, hein. À l'époque où c'était le Blue Devil, donc il a fallu qu'il fasse des secours, etc., parce qu'on ne pouvait plus faire de concert. Donc voilà, c'est pas évident. Alors les gens qui se donnent du mal à recevoir des artistes et qui le font dans des bonnes conditions, bah, il faut vraiment les encourager. Absolument, il faut les encourager, il faut y aller, il faut se déplacer, il faut sortir, parce que sinon après les gens se plaignent, bon, il n'y a rien, on s'emmerde, on ne sait pas quoi faire et tout ça. Il y a des tas de spectacles et des bons spectacles. Je suis un mec passionné, j'ai pas trop ma langue dans ma poche en général. Même Jimmy m'a dit, ouais, t'as critiqué West. J'ai pas critiqué West, hein, je précise. Je pense que ça c'est quelque chose que tu peux leur dire à eux en disant, voilà, moi j'aurais aimé que vous essayiez. Il y a des critiques qui sont constructives. Bien sûr, vas pas voir les gens en disant, ouais, bah, ce que vous faites, c'est... Non, ils ont fait un truc. Ah non, mais... Toi, tu le dis, voilà, juste un petit détail. Moi, j'ai trouvé que, moi, personnellement, j'assume bien. Mais encore une fois, c'est pas une critique négative, c'est pas une critique gratuite, c'est simplement mon ressenti. Mmh. Et quand je vois des musiciens, j'y vais avec mon libre arbitre de pensée. Oui, tout à fait. Et je me permets de dire, des fois, alors quand j'ai l'occasion de discuter, je leur dis, genre, je me gratte pas pour leur caresser. Si j'aime pas, bon, je vais pas leur dire parce que c'est pas très agréable. Il y a des trucs que moi, j'accroche pas. Ouais. Et des fois, on peut dire n'importe quoi. Par exemple, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui aime pas, il aime pas Wagner. Oui. Wagner, c'est Wagner, quoi. On n'aime pas, on a le droit de pas aimer. Bah, bien sûr. Mais on va pas dire que c'est pas bien. Parce que c'est quand même un des grands artistes. Ouais. Il y a des styles qui nous plaisent pas ou vers lesquels on va pas, mais on peut pas dire que c'est pas bien. Par exemple, moi, des fois, il y a des trucs, j'ai pas la culture hip-hop, des fois, je prends un bon plaisir à écouter, des fois, j'accroche pas. Mais je dis pas que c'est pas bien, parce que eux, ils sont dans leur truc, ils sont dans leur délire, ils ont leur culture. Et c'est peut-être moi qui suis pas réceptif ce jour-là, voilà, simplement. Donc, voilà, il y a des styles différents. Moi, je cite souvent le hip-hop, le rap. Mais des fois, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des bons kiffs avec des morceaux que j'aimais bien, que c'était pourtant du rap et du hip-hop. Bien sûr, je suis pareil que toi à ce niveau-là. Mais voilà, après, aujourd'hui, on est dans une société où il est difficile de dire les choses correctement et honnêtement. Je pense que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est enfoncé une porte ouverte, mais ils ont fait beaucoup de mal, hein, quand même. Hein. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un j'aime pas, et ben tout de suite tu te fais défoncer. Moi déjà, rappelle-toi, je me rappelle d'une émission que j'ai faite ici, enfin avec toi, où j'avais un petit peu égratigné un groupe, etc. Parce qu'ils avaient payé pour jouer à Paris dans une salle, je sais pas si tu te rappelles, et je m'étais fait allumer, mais grave de chez grave, quoi. Et encore, à l'époque, il y avait pas trop de réseaux sociaux, il y avait pas trop de Facebook et tout ça, parce que je te parle d'un temps, et pas trop belle. Et, mais ce serait maintenant, je pense que je serais condamné à mort. Tu crois? Ah bah oui, mais à voir. Moi je pense qu'il faut quand même garder ces trucs. Bon, moi il y a des choses, des fois je vois aussi, bon, je marcherai pas dans ce sens-là, mais après tout, les gens ils le font, bon. Mais bon, c'est vrai que des fois, on peut dire notre façon de penser, voilà, simplement, sans. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Ah oui, mais voilà. Après, les gens les interprètent. Bah ouais. On a le droit d'avoir quand même des opinions, quand même. Mmh. Aujourd'hui, c'est dommage que dès qu'on émet ne serait-ce que le soupçon d'une opinion, on se fasse lyncher. C'est pas normal. Aujourd'hui, si on a envie de dire quelque chose on n'aime pas, on a le droit de pas aimer. Moi, il y a des choses que j'aime pas, et si, ça me le demande, je le dis tout simplement. Ouais, j'ai pas croisé, voilà. Ou j'aime pas, ouais. Voilà, j'aime pas, parce que si, et puis je peux argumenter en plus. Oui. Ah, pour revenir au groupe Ouest, on fait beaucoup de pubs, je fais beaucoup de pubs au groupe Ouest. Parce qu'en fait, si tu veux, je les ai bien aimés. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Leur show était bien. J'ai simplement ce petit côté. C'était trop lisse. À mon goût, toi. Parce que surtout quand on fait ce genre de musique, il y a des moments donnés, ils ont fait, je sais plus quoi, un morceau. Je me suis dit, putain, ça manque de rock, quoi. Ça manque de. Bah écoute, on va lancer une petite annonce. Le groupe Ouest, s'ils nous écoutent. Bah, voilà. Déjà, on les a pas reçus dans l'émission. Donc s'ils veulent venir ici, s'ils veulent parler, s'ils veulent dire des choses, eh ben, on les recevra avec beaucoup de plaisir. Parce que c'est un excellent groupe. Et si jamais ils font un concert et ils voient qu'il y a David McLean, ils savent qu'ils peuvent déborder un petit peu et puis faire un petit peu plus de... Voilà. Ils sont en concert, je crois. Mais ils étaient vendredi dernier parce qu'ils tournent pas mal quand même. Mmh. Ils sont plutôt dans le Génois, eux. D'accord. Donc, oui. Je sais pas s'ils nous entendent qu'ici, mais je sais qu'il y a des gens qui les connaissent bien. Oui, qui vont leur dire. Il y a Isabelle Zorita. Coucou Isabelle, si tu écoutes. Elle a vu tous les concerts du groupe Ouest. Ouais, Elle nous en parle depuis des années. Donc, et c'est vrai que ça nous donne envie aussi de le découvrir. Toi, t'as eu l'occasion de les voir. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion. Ouais. En plus, on connaît quelqu'un qui est tout le temps avec eux, qui traîne tout le temps avec eux. Bon, on va y en parler. On sera là le 8 avril. Justement, dans Pascal. C'est pas la première fois qu'on parle d'eux déjà, mais tout le monde nous dit du bien, donc c'est très bon. On va essayer de les faire venir là. Comme ça, je pourrais leur dire en parler face. Aussi d'autre chose. Il y aura aussi le 1er avril à Bôle, au VNB, il y aura le groupe Prisma. Parce que Christophe tout à l'heure, il nous a appelé, hein, comme d'habitude. Alors moi, j'ai cette chance-là d'avoir parmi mes auditeurs des artistes de la région, et beaucoup. Hein, c'est vrai que la plupart des gens qui m'écoutent ou sont des artistes, ou alors ce sont des passionnés de musique, des gens qu'on rencontre au concert. Et donc Christophe m'a dit justement à Bôle, il allait jouer, et c'est un vendredi soir, donc pas de chance, moi je pourrais pas y assister. Mais si vous connaissez pas le groupe Prisma, il faut aller les voir parce que franchement, déjà les gars ils sont super gentils, on les connaît depuis un moment et tout ça. Ils sont super super bon, parce que moi je dis j'ai vraiment de la chance d'avoir des artistes musiciens qui sont excellents, quoi. C'est un truc et quand je les vois je me dis des fois je rêverais d'être à leur place. je les vois comme des stars, franchement c'est des sacrés artistes. Ah ben moi c'est pareil, hein, des fois quand je les vois je dis putain j'aimerais bien savoir jouer de la guitare, hein. La guitare à tous les niveaux, hein, tous les instruments. Et après on peut aussi parler de nos amis Red Daff qui étaient chez nous il y a quelque temps, puisqu'ils étaient venus en exclusivité nous présenter leur album qui sort aujourd'hui et demain. Ah bah tiens. Et justement, ce soir, il y a un concert, je pourrais pas y aller, donc c'est à Talcy, au Caisson, hein, cet endroit magique où c'est le QG des Red Daff, hein, puisque ça appartient à l'association Red Daff. Donc il y a un concert ce soir où on va découvrir leur album, parce que c'est la sortie officielle. Demain aussi, ils refont le même concert, ils l'ont fait deux fois de suite. Et à cette occasion-là, il y aura un seul groupe sur scène, c'est les Red Daff. Parce qu'habituellement, il y a toujours une première partie, il y a deux, voire trois groupes qui jouent. Là, il y aura qu'eux, mais par contre, ils ont tout scénarisé, donc c'est vraiment un vrai spectacle, et dans lequel il y aura des intervenants, donc des gens d'autres groupes qui vendront jouer avec eux. Donc, ils m'ont expliqué tout ça, ça me donne vraiment envie d'y aller. D'ailleurs, j'y serai demain. Voilà. Donc, et je le dis, si vous voulez nous retrouver, les Red Daff, hein, déjà, les amis qui les côtoient et qui ont déjà joué des groupes, voilà, ils connaissent beaucoup de groupes, donc il y aura forcément des gens d'autres groupes qui viendront jouer avec eux. Et il y aura aussi plein de gens passionnés, je suis sûr je vais retrouver plein d'amis là-haut. Voilà. Bah, il n'y a pas de raison. Donc c'était bien d'en parler. on continue un petit peu à écouter un peu de musique. Eh ben écoute, on va dire que c'est ton émission, tu fais un peu comme tu veux. On papote beaucoup, mais je voudrais justement, j'avais prévu de passer beaucoup de musique, mais je voudrais en rajouter un petit peu. Vas-y, rajoute alors. Tu veux nous rajouter. On va déjà continuer dans la série, puisque on était rendu déjà au mois d'octobre. Alors, il y avait le 15 octobre, on avait reçu Bruno Bauer, le 8 octobre, on avait reçu Weedy. qui était le chanteur, ça me revient toujours pas, mais ça va me revenir. Parce que je cherchais, mais du coup, avec le téléphone, j'ai pas pu. Mais on va vous le redire. Il y aura aussi, comment ça s'appelle, on a reçu aussi, on avait fait une émission avec Roxette. Tu connais l'association Roxette? Non. C'est une association de Blois. De Blois ou de Tours, je ne me souviens plus. Bon, c'est par là-bas, hein, c'est dans la région. Donc ils étaient venus ici pour nous parler de cette association qui a fait une compile avec plein de morceaux d'artistes blésois et même certains orléanais. Et dedans, il y a, par exemple, ils ont décidé de mettre chaque groupe mettait un morceau qui était interprété par un autre groupe. Ah ouais, ça peut être sympa. Donc moi j'ai choisi un morceau parce que j'aime bien. Alors c'est un groupe que je connais pas du tout, mais j'ai choisi quand même de le diffuser ce soir. C'est le groupe Elstowells qui reprend un groupe, oui, on va dire ça comme ça, une chanson d'un autre groupe qu'on connaît bien puisque c'est un groupe orléanais. C'est les Chili Dogs qui chantent Something Must Change. Vous connaissez ce morceau-là, Something Must Change? Oui, ça c'est un peu le tube, hein. C'est un morceau que j'ai déjà diffusé pas mal de fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrica. Et là, donc, c'est repris par Elstowells, donc ça donne un petit mélange un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Et cette compile-là, vous pouvez vous la procurer auprès de Roxette, hein. Je sais pas s'il en reste encore, en tout cas, ils étaient venus ici nous le présenter. Et donc, il y a, je crois, 18 étapes, puisque on voit une personne qui fait du vélo. Alors, la personne qui fait le vélo sur la couverture, c'est la personne qui a enregistré, c'est la personne qui a capturé le son, qui a mixé, etc. Justement, c'est en 18 étapes parce qu'il y a 18 morceaux dedans, dont les Red Duff, ils font aussi une reprise. D'accord. Donc, on va écouter les Elstowells avec Something Must Change. Alors, pour ceux qui connaissent le morceau, écoutez bien, vous allez reconnaître le morceau, mais il y a une interprétation vraiment différente que j'aime bien. En tout cas, c'est parti. Yeah.

chanter toute la journée. Elle aime tout ça, mais elle, elle préfère chanter. Elle préfère chanter sans s'arrêter toute la journée. Voilà, on est toujours dans l'émission Mavrika. Ça va être un petit peu en rose, on dirait. Il commence à faire chaud, on se découvre un petit peu, puis voilà, on est bientôt au mois d'avril, et au mois d'avril, vous savez, le dicton. Le dicton, voilà, on va dire ça comme ça. On continue dans la découverte des artistes, hein, pour ceux qui ne les auraient pas découverts en direct. Depuis le mois de septembre, donc on a reçu Jazz Blaze, on a reçu Georgia Pouliquen, Polo Paletta, Johan Cantourné pour Accident Instantané, on a reçu Willy qu'on a écouté tout à l'heure, Bruno Bauer, on a reçu l'équipe de Roxette, donc dans l'émission numéro 483, on a reçu le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, donc c'était Dirty Charlie avec cette reprise d'un morceau des Rolling Stones. Tu connais les Rolling Stones? Ah, c'est un petit groupe de jeunes. Tu connais Dirty Charlie? Ah oui. Donc effectivement, donc un grand morceau les Rolling Stones. Hein, donc ça fait partie des standards de la musique. Tout le monde connaît, même si on ne sait pas qui c'est. On a entendu ce morceau-là. Ça rappelle beaucoup le Vietnam aussi. C'était une époque où c'est les années 70. Hein, C'est ça. Donc c'est repris par Dirty Charlie et moi j'aime bien quand ce mélange entre le ska, le rock, des cuivres, des guitares, c'est super bien interprété. Et les mecs sont super super agréables, super gentils. On avait fait une super émission avec eux. C'était l'émission numéro 487. C'était le 19 novembre. Le 3 décembre, on passe au mois de décembre, c'était Élodie Chenot qui était venue dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter le projet EL. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a écouté juste avant de discuter. Donc, je n'ai même pas marqué là-dessus, mais je vais marquer au fur et à mesure dans le programme que vous pouvez retrouver sur le mur du Facebook de l'émission Mavrika. Élodie Chenot avec le projet EL et le morceau s'appelle EL aussi. Bon, hein, d'après ce que j'ai sur mon affichage. Voilà, donc on a parlé de pas mal de choses depuis tout à l'heure. Donc je signale pour ceux qui viendraient de se connecter, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que la radio, moi je disais sortez votre poste de transistor sur la terrasse, mais les postes aujourd'hui on écoute plus sur le téléphone, sur l'ordinateur. Ça a changé un petit peu. Donc souvent on a les gens qui nous écoutent sur l'FM, c'est surtout dans les voitures, hein, dans la radio. Dans les voitures, parce qu'on a toujours des autoradios avec la FM, jusqu'à ce qu'on passe en RDS bientôt. Non, c'est en quoi déjà? Je me souviens plus. Je sais plus, je sais que ça a fait grandir la tour FM, voilà, mais... les gens, souvent, ils écoutent sur leur téléphone, parce que grâce à Internet, sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà. Pour tout ce que je voulais dire. Très bien. Moi, il m'arrive de temps en temps d'écouter justement sur Internet, mais quand je suis dans le bus, parce que je prends le bus tous les jours. Mmh. Donc, toi, tu écoutes le bus le bus. Dans le bus, ouais. T'écoutes aussi le bus, malheureusement, des fois. Malheureusement. Mais en fait, j'ai une petite oreillette. C'est avec l'oreillette. Donc, pour ceux qui ne nous auraient pas écoutés depuis le début de l'émission, je rappelle que les voix que vous entendez, c'est David McLean et Jimmy Sugar. Voilà. Eh oui, Et ouais, on s'est invités, comme ça. On a vu de la lumière, on s'est arrêté. Vous avez vu de la lumière, vous êtes venus dans les studios. Et comme j'avais prévu de ne pas recevoir d'artistes cette semaine, vous tombiez bien. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. D'ailleurs, on va essayer de caler des morceaux aussi de vous. Hein, parce que là, on avait prévu de diffuser les morceaux des artistes qui sont passés depuis quelques temps. Et on va quand même, comme vous parlez beaucoup, passer vos morceaux. C'est-à-dire que nous on est passé, mais il y a longtemps. Oui, vous êtes passé il y a longtemps. C'était pas en 2021. Si je remontais, on est quand même à la 502e émission. Ouais. Donc en 500 et quelques émissions, il y a eu combien d'artistes différents qui sont venus ici? Oh, un bon paquet. Donc si on faisait un récapitulatif, il faudrait plusieurs jours de suite. Je pense. En diffusant un morceau de chaque artiste qui est venu ici, je pense qu'il faudrait plusieurs jours. Ouais. Moi, je me souviens d'une émission qu'on avait fait ensemble, qui était à la fois une belle émission et qui était une émission qui a marqué. C'était le jour de mon anniversaire. Et mon anniversaire tombe un 13 novembre. Tu te rappelles? Ouais. On voyait en direct l'attaque du Bataclan et compagnie. Ouais, ça c'est parce qu'on était ici, on discutait, on parlait de musique hein, comme d'habitude. Hein. On parle de ce qu'on aime et on a commencé à voir parce qu'au même temps on suit la page Mavrica et on commençait à voir des gens qui nous disaient voilà moi je suis. Ils disaient voilà moi je suis sain et sauf, tout se passe bien. Qu'est-ce qui se passe là? Alors tous les gens disent moi je suis en sécurité, tout va bien. On dit, oh, il s'est passé quelque chose. Et là, on commence à regarder, et effectivement, on a découvert en direct, dans l'émission, ce qui se passait. Donc, c'était le Bataclan, avec tous les. Le Stade de France, le Stade de France, les bars autour, les terrasses. On dit, mais c'est quoi ce truc-là? On a fait des images de guerre, quoi. C'est à Paris, quoi. Donc, on avait découvert, et ça nous avait refroidi. Ah bah clair. On était là et puis on faisait l'émission. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais on est dans quel monde? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, donc forcément on s'en souvient. Il y a des dates comme ça, on s'en souvient. Ça c'est vrai que et on l'avait découvert en direct l'émission. Voilà. Ouais, il y a des gens qui vivaient peut-être les heures les plus terribles de leur vie pendant que nous on était en train de faire l'émission. Mais bon. C'est le monde. Il y a des belles choses, il y a des choses moins belles. Et voilà. Enfin, faut toujours essayer de voir le côté positif des choses, mais il y a des fois, c'est quand même difficile. Hein. Comme en ce moment, on parle, et puis il y en a à moins de 2 heures d'avion d'ici, qui se prennent des bombes sur la gueule, quoi. Donc, voilà, il faut toujours relativiser et se faire plaisir et vivre le temps présent, quoi. Vivre ce qu'on a à vivre, vivre les belles choses et aller faire de la musique, aller écouter de la musique avec des amis, avec les gens qu'on aime. Et passer surtout du temps avec les gens qu'on aime. Ça, c'est important. C'est l'essentiel de la vie. Passer du temps avec les gens qu'on aime. Et puis, on se dit, finalement, la vie est courte et finalement, les bons moments sont rares. Faut pas s'embêter à se prendre la tête avec plein de choses, quoi. Il faut vivre vraiment les bonnes choses et les moments de partage. Ça, c'est un mot qui revient souvent dans l'émission Mavrica. Mais je crois que les moments de partage, c'est quelque chose qu'on s'en souvient toute notre vie. À la limite, ce qu'on a vécu, ben voilà, on l'a vécu, on est content de l'avoir fait, et même si ça se reproduit plus jamais, ça reste toujours dans notre cœur. Et puis on s'est dit, j'ai pas gâché ma vie, finalement, j'ai passé des bons moments avec un tel. Voilà, c'est le plus important. Moi, je me rappelle de moments passés dans cette émission mémorables. Part, heureusement qu'il n'y ait pas de photos et pas de caméra, parce que j'ai des souvenirs d'émissions, notamment avec les Garens. Les Garens, c'est un groupe qu'on regrette, hein, parce que franchement, j'ai essayé de demander de lancer une pétition. Ouais, on avait essayé de lancer ça. Ouais, mais bon. Rien à vouloir. Ils ont fait un groupe qui a très bien marché à une époque, qu'on voyait avec plaisir, qu'on recevait ici, ils s'entendaient très bien. Et puis un jour, ils ont décidé de tourner la page, et puis voilà, ils sont passés à autre chose, et ils regrettent pas, hein. Moi, je vois des fois, les membres du groupe, Toff, entre autres, qui m'a dit, voilà, c'était, mais bon, maintenant, je crois que je suis passé à autre chose, et puis voilà, c'est... Ah bah, clair, il est passé à autre chose, l'enfoiré. Hein? Il nous a laissé tomber comme ça, hein? Voilà. Je vais passer encore pour un vieux con. Mais ce salopard-là, qui faisait des concerts, où on faisait la fête, où on était bien tous ensemble et tout ça, hein. Il a pas pensé à nous, hein. Aujourd'hui, ils sont où les lapins, hein? Moi, je vous le demande. Voilà. Donc, effectivement, c'est un groupe, moi, je les ai vus. Je sais pas combien de fois sur scène, et à chaque fois c'est un plaisir. Parce que de très bons musiciens, une très bonne ambiance, des reprises et des compositions qui étaient c'était génial. Bon, j'adorais leurs compositions, mais il y avait de temps en temps des petites reprises, voilà, avec des styles différents qui je me souviens, peut-être California, Trust, je sais pas, il y en avait pas mal comme ça, des chansons. Et après leurs compos, c'était vraiment leur essence, leur jus. Et puis cette voix aussi, hein, voilà, la voix de Christophe. Ouais. Franchement, moi j'adorais ce groupe-là. Et, voilà. Et le jeu de guitare d'Hakim. Hein? Ah, là, c'est quand même un des meilleurs guitaristes de la région, il faut quand même le dire. C'est toujours un plaisir de le voir. Et je me souviens justement dans Hotel California, quand il faisait le solo. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est pas un solo à l'origine, c'est un duo. C'est-à-dire que normalement, c'est une guitare qui répond à une autre. Oui. Et lui, il faisait tout d'un bout à l'autre. Exactement. Et quand on le voyait, on dit ouh, ah ouais. Effectivement. Là, c'est il y avait du jeu, quoi. Ah ouais, non, mais c'était voilà. Moi, je l'ai dit. Sur Facebook, j'avais essayé de lancer une comment dit là, tu sais, où tout le monde signe là une pétition pour essayer de les inciter, ne serait-ce qu'à faire un vrai concert d'adieu, qui se réunissent et qui, voilà, ils se réunissent et nous, on va les voir et voilà, un vrai concert d'adieu. Mais là, même pas, ils nous ont laissé tomber comme des vieilles chaussettes. On s'est senti abandonnés, on s'est senti orphelins. Orphelins. Voilà. Et eux, ils font quoi pendant ce temps-là? On sait pas. Mais nous, on fait quoi maintenant, hein, sans les lapins? Franchement, moi, je vous le demande. Voilà, c'était le coup de gueule de David McLean envers les Garens, qu'on salue s'ils nous écoutent. Hein, et en tout cas, bon, on espère que la musique est toujours dans leur mais, vie. En tout cas. Ceci dit, ça serait quand même une bonne idée, un peu comme Téléphone, ils sont formés avec les insus. Mais qu'ils nous fassent la surprise d'un concert. Allez les mecs, vous vous regroupez, vous répétez, toc toc, ça doit revenir vite, hein, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas ça. Et hop, on fait une soirée, toc, avec les lapins. Voilà. Alors, ils s'appellent pas les Garens, c'est comme les téléphones, c'était les insus, ils s'appellent les lapins. J'ai même le nom, les mecs, attention. Hein. T'as déjà tout prévu, voilà. Il y a plus qu'à. Et on trouve une salle, il n'y a pas de problème. Et je suis sûr qu'ils font plein, je suis sûr et certain. Là, je suis prêt à lancer le pari. Hein. Si demain, ils se disent, on fait une soirée, un concert, uniquement même un seul, toi, je suis sûr qu'ils remplissent. Mm-hmm. Avec tous les... Il faut qu'ils veuillent. Bah, voilà. Voilà, très bien. On parlait tout à l'heure justement de Dirty Charlie, la reprise Painted Black des Rolling Stones, et les Rolling Stones qui vont venir prochainement à Paris. Ah ouais, à l'hippodrome d'Auteuil, je crois. Mmh. Et eux, ils vont remplir le porte-monnaie. Eux, ils vont se remplir le porte-monnaie. Ils vont se remplir le porte-monnaie. Hein. Bon, il y a eux, il y a tous les gens autour aussi, hein, parce que c'est. Ouais, mais quand même, faut pas exagérer. Ouais, c'est parce vrai. Parce que on va le dire, on va tout dire. Parce que là, moi, on dit tout. Hein. Il est énervé, là, il va tout raconter. Hein, parce que ma chérie voulait me faire une surprise et elle m'a dit, elle s'est dit, tiens, je vais lui offrir une place pour aller voir les Stones. C'est quand même normalement la dernière tournée. Hein. Je veux pas leur porter la poisse, mais bon. Il y a de grandes chances qu'ils fassent encore 2-3 tournées. Et ben voilà, 250 € la place. Je suis désolé, mais c'est cher quand même pour des petites gens comme nous, mon pauvre monsieur. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, c'est pas cher. Nous. Ouais, mais ils sont de moins en moins nombreux. C'est pour que c'est moins cher. C'est pas cher. Je sais pas si tu as vu la publicité à la télévision où ils disent que 79% des gens se préoccupent de leur budget. Ça veut dire qu'il y en a quand même 21 qui s'en occupent pas du tout parce qu'ils en ont largement assez. Voilà, il faut quand même remettre les choses à leur place. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ils le disent à la télévision régulièrement. Hein. Ouais. C'est de la publicité pour une banque. Ouais. Mais n'empêche que voilà, c'est quand même cher aller voir un concert à 250 boules. Moi, je préfère aller voir des copains qui jouent et qui vont me faire autant de plaisir, peut-être pas autant que les Stones, c'est vrai que c'est toujours plaisant, mais bon voilà, on achètera c'est le mythe voilà, comme on dit, hein. Voilà, on achètera un DVD et puis on sera mieux placé d'ailleurs parce que toi on sera devant avec la caméra et tout ça, donc, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde d'aller à des concerts où on est tellement loin de la scène et puis tellement mal placé que finalement le concert on l'aurait vu à la télé, ça aurait été beaucoup mieux. Ouais. Et puis des fois même on est à un endroit où le son il est pas terrible et on voit rien et puis on dit bon, on était là-bas, mais bon, finalement. Donc voilà. Ouais, bah, c'est dommage pour les Stones. J'aurais bien serré la main à Mike. Mais voilà, bon, il veut pas, c'est tout, il est trop cher. Hein. Très bien, donc ça c'est le coup de gueule aussi. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aller voir les petits groupes. Des fois c'est gratuit, des fois c'est vraiment une participation aux frais simplement. Voilà, tout à et fait. Et puis on passe aussi beaucoup de plaisir. Et puis à la fin on peut même aller discuter avec eux. Absolument. C'est difficile On peut discuter, on peut boire un coup, on peut faire un selfie, on peut même manger ensemble hein, si les gens veulent. Donc il y a plus d'avantages à aller voir les petits groupes que les gros. Et puis maintenant on peut le dire, hein, c'est-à-dire que pendant un petit moment c'était un petit peu difficile, mais on peut même faire des bisous. Hein. Ah oui, bien sûr, on peut même faire des bisous, des hugs, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Et c'est pas 250 balles. Maintenant, si les gens veulent donner 250 euros, oui, moi je dirais pas non. S'ils viennent, un chèque, une carte bleue avec le code et tout, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est bien moins cher de venir voir les petits artistes et ça les aide. Mais quand je dis petit, c'est pas péjoratif, c'est voilà, petit par la reconnaissance, parce que souvent il arrive qu'on tombe sur des perles. C'est vrai, j'ai vu des fois, entre guillemets, petits concerts, des fois je suis resté sur le cul. Ah ouais, des voix, des musiciens, des fois des compos. Je dis, oh là, là, il y a des belles paroles, c'est bien interprété et tout ça. Et inversement, moi ça m'arrive, j'aime bien aussi te dire dans l'autre sens, des fois j'allume la télévision et je tombe sur des trucs, je dis, oui, ouh là, et ça passe à la télé, et en boucle. Ben ouais. Bon. J'ai dit, attends, il y a... Ouais, bon. Je cherche ce qu'il peut y avoir de bien, mais bon, j'ai du mal. Et je me dis, mais ça, par contre, il le passe en boucle, et puis ça rentre dans la tête des jeunes. Et voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça devient un tube. Il y a des tas de choses comme ça, malheureusement. C'est du matraquage. Ce n'est plus ni moins. C'est du matraquage. Et moi, je suis persuadé, on pourrait faire l'expérience. Alors, pour les moins jeunes, je vais vous raconter une histoire d'un film qui s'appelait Le Graphique de Boscope. Le Graphique de Boscope était un film avec Romain Bouteille. Alors, pour les moins jeunes, ils doivent s'en souvenir, c'est un acteur et tout ça. Et c'était l'histoire, il avait inventé une machine, le pitch c'était ça, il avait une machine à faire des tubes. Il rentrait deux, trois mots, tant comme ça, il donnait, enfin bref, et ça sortait un tube. Et c'était si vous avez l'occasion d'aller le voir sur internet, je sais pas si on le retrouvera, ça s'appelle Le Graphique de Boscope, parce que c'était voilà. Et aujourd'hui c'est un peu ça, ils veulent sortir un tube, voilà. Et donc ils prennent une personne à peu près bien foutue, parce que le physique compte, ils prennent deux trois mots à tempo, vas-y mon nanar et tout ça, et voilà, c'est parti mon kiki, et ils balancent ça sur les radios, sur les télés, ils matraquent. Et puis après, les gens ils se mettent ça dans la tête, et puis voilà, ça fonctionne. Voilà. Mais c'est pas malheureusement. Alors, je vais t'annoncer une exclusivité. Je sais pas s'il y a des gens qui écoutent, mais s'ils veulent. Personne nous écoute, là. C'est entre nous. Là, c'est qu'entre nous. Hein, ah ouais, voilà. Non, on diffuse pas du tout. Hein. Parce que, en fait, je cherche quelqu'un ou quelqu'une, mais voilà, il me faudrait une petite fille. D'accord. Alors j'explique pourquoi, parce que ça pourrait être tendancieux, hein, par les temps qui courent. Non, voilà, je cherche une petite fille d'environ 6-8 ans qui aime chanter, parce que je voudrais faire une expérience. J'ai écrit une chanson, toute simple, et il me faut une voix de petite fille pour la chanter. Et on a déjà prévu avec une certaine personne qui s'appelle Silou, avec qui j'avais fait un clip, qui est une artiste de la région qui a énormément de talent, qui est une graphiste et qui voilà, que j'adore, qui fait un travail fabuleux. Et donc on a décidé de le morceau est enregistré, il manque plus que la voix à poser. Ça s'appelle J'aime ma maman. Et on voudrait montrer, c'est un truc très simple, hein, c'est pas compliqué non plus les paroles, mais on voudrait faire un tube mondial. D'accord. Et, je suis partant alors. Hein. Mais voilà, il me faut une voix de petite fille, voilà, d'entre 6-8 ans, qui soit un petit peu, dégourdi quoi que Tu vas faire un casting, comment ça se passe? Toi là, entre autres, je suis en train de le faire là, parce que s'il y a des gens qui écoutent on peut faire un petit essai et puis voir ce que ça donne. Donc on voudrait faire ça le clip, on a déjà l'idée de le faire, il sera à moitié animé certainement, si la petite fille veut pas être, on créera le personnage de la petite fille, on lui fera un avatar comme on dit, et la musique est faite et tout, il n'y a plus qu'à trouver la petite fille qui voudrait bien chanter cette petite chanson. D'accord. Moi je veux bien. Mais je veux bien essayer moi. Mais la voix, il faudrait une voix de petite fille. Fais voir ta voix. D'accord. De petite fille alors. Ben, c'est une petite fille moi. Ben non. c'est pas ce que tu recherches alors. Non mais en plus c'est vraiment sérieux ce que je dis hein, parce oui, que vraiment, d'accord. Non mais on veut bien le croire hein, de toute façon. Donc si les gens sont intéressés, ils peuvent te contacter. Voilà, vous me contactez sur Facebook ou vous passez par Albino qui transmettra. Mais c'est très sérieux, c'est un projet qui est en cours et il n'y a plus qu'à poser la voix puisque la musique est faite. Et en fonction, voilà, on attend pour Silou attend pour faire le clip, voilà. Donc parce que ça se fera en fonction de la petite fille qui chantera, voilà. Donc si elle a envie de comment ça s'appelle, s'il y a une petite fille qui écoute ou s'il y a des papas et des mamans qui ont une petite fille et qui veulent qu'elle chante, bah, écoutez, n'hésitez pas. C'est très sérieux. On est des gens très sérieux. On a pignon sur rue, voilà. Donc non, mais faut le dire aussi aujourd'hui avec ce qui se passe. Donc voilà, n'hésitez pas, contactez-nous et on pourra faire un truc sympathique. C'est vraiment. Alors, faut pas trop se prendre en sérieux. Mais on va pas se prendre en sérieux dans la démarche, mais dans la façon de faire et tout ça, tout est très très très sérieux. Voilà. Ok, très bien. Donc l'annonce est passée et les gens peuvent nous contacter donc sur le Facebook de l'émission Mavrica ou celui de David McLean. Voilà, MC Lan, hein, parce qu'il y avait un ancien MAC, donc là c'est David MC Lan, LA2N. Voilà. MC. MC, voilà. MC. Très bien, justement, tu voulais la chanson s'appelle Pour ma maman. J'aime ma maman. J'aime ma maman, très bien. Et ben, justement, tu sais, j'ai calé un morceau. J'ai calé un morceau de Jimo. Tu connais Jimo? Non, c'est un artiste que j'ai reçu ici il y a quelque temps. Qui voilà, il dit moi j'ai fait mon petit album chez moi, j'ai enregistré, je me suis fait plaisir, j'ai envie de le partager avec des gens. Il était venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Attends, je crois que je l'ai entendu. Effectivement, ouais. J'ai écouté cette émission là. Et donc on va écouter un morceau qui s'appelle Maman. Ah bah tu vois. Comme quoi, ça tombe bien. Hein. Et ça aurait pu être chanté par une petite fille, mais non, c'est Jimo qui la chante. On écoute tout de suite. On écoute. Thank you.

c'est la première personne que j'ai reçue donc dans l'année 2022. C'était l'émission numéro 493 et dans l'émission numéro 494, nous avons reçu le groupe Neutral qu'on a écouté aussi avec un morceau qui s'appelle I Don't Care. Et à l'instant, c'était Max de Giovanni qui était venu le vendredi 28 janvier dans l'émission. Alors, il était venu de Bayonne, c'est un artiste de Bayonne. Et donc, on aimerait bien qu'il vienne faire des petits concerts aussi sur Orléans. C'est sympa, ça. Parce que... Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Et je vais te dire quelque chose, l'album qu'il m'a apporté est super bien, super agréable. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Mais alors, l'interprétation qu'il a fait ici, dans les studios, j'en avais la chair de la poule. Et à chaque fois que je l'écoute, il avait mis une manière d'interpréter. Je me souviens que c'est même les niveaux, ils étaient montés très tellement fort parce qu'il commence tout doucement. Il avait vraiment mis tout son cœur dans le truc. Et franchement, un grand moment. En tout cas, ce morceau-là a été enregistré. On le diffuse assez régulièrement. Mais là, j'ai passé la version. J'ai percé une version. C'était une autre chanson. Mais cette chanson-là, ben, c'est la version de l'album. Hein, voilà. C'est bien enregistré. C'est propre et vraiment bien. Et donc, si envie de revenir dans les studios, ça sera avec beaucoup de plaisir parce qu'on avait passé un super moment. Donc il nous reste encore quelques artistes qu'on a reçus depuis le mois de septembre. Donc il y aura le groupe Turn Off, il y aura notre ami Mourad que tu connais. Tu connais les Turn Off, non ? Non, je ne sais pas. Si tu connais pas un groupe de ska de la région orléanaise, eh ben c'est vraiment ils sont excellents quoi. En tout cas, un super groupe et le ska, c'est vrai que c'est pas tellement représenté et pourtant c'est tellement bien. Il y a les cuivres, ils sont pleins, c'est festif, c'est super. J'ai enregistré un morceau là cette semaine et justement je vais essayer de faire un petit peu rythme ska, mais je n'y arrive pas. Hein. C'est très spécial. Ah oui, c'est un peu à contre-temps. Carrément à contre-temps. C'est un peu comme le reggae. C'est un peu un des ancêtres d'ailleurs. Ouais. C'est difficile parce que effectivement c'est du contre-temps. Et puis en plus le ska c'est assez rapide quoi. Donc C'est rapide. Le ska c'est rapide. mais bon après c'est pareil quand ils étaient venus on avait parlé aussi des Burning Heads qui ont leur deux côtés, le côté rock and roll, rock punk et leur côté opposite qui est le côté reggae aussi. C'est vrai que moi je pense souvent aux bassistes parce que eux sont complètement à l'opposé de la batterie contrairement au rock and roll. Et quand je vois par exemple des gens qui sont excellents aussi bien en reggae qu'en rock, parce que souvent c'est pas évident de faire les deux, hein. Et ils sont excellents dans les deux. Je dis franchement, ils ont vraiment du talent parce que ça se fait pas comme ça. C'est pas si simple, c'est pas si évident. Il y a du travail derrière. Du travail. Et puis il faut le sentir, quoi. Je pense si on le sent, ça va. Si on le sent pas, on est à côté. Hein. Et donc Turn Off, Mourad. Et après on a reçu aussi les Red Dave qui étaient venus présenter leur nouvel album qui sort aujourd'hui et demain. Donc à cette occasion-là, il y aura le concert. Donc ce soir, il y a un concert. Je peux pas y aller parce que je suis ici. Mais par contre, demain, on pourra y aller. Donc c'est le 26 mars au Caisson à Talcy. L'heure exacte, je ne me souviens plus, mais enfin, allez-y, vous allez découvrir le nouvel album. Et là, c'est un très beau spectacle qui nous attend, j'en suis sûr. Après, on a aussi Roraima qui était venu. Donc, Roraima, ils font la musique qui accompagne souvent le hip-hop, qu'on appelle le trip-hop. Donc, c'est l'instrumental. Et donc, c'est très planant, c'est très synthétique, mais franchement, très bonne musique et on avait passé un très bon moment. Après, pour la 500e, on a reçu No Blush dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Tu connais No Blush? Ils sont déjà venus à plusieurs reprises. Oui, je connais. Et la semaine dernière, donc c'est quelqu'un que tu m'avais présenté il y a quelques années déjà. Le temps est passé et puis il m'a dit, tiens, en fait, c'était David qui m'avait présenté pour qu'un jour je vienne faire une émission. Est-ce que ça serait possible de la faire? Eh ben, on l'a fait. Donc Rossi Kinkela était là la semaine dernière et donc il nous reste encore ces artistes là à écouter, encore pas mal de bonne musique hein, parce que plein de choses différentes hein, si on regarde bien complètement, on aime bien écouter le mélange hein, c'est ce qui fait que dans l'émission Maverick, on s'ennuie pas. Hein. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à écouter un petit peu? Bah, comme tu veux, hein, comme je te disais tout à l'heure. Et après, on va aussi caler des morceaux à vous, hein, parce que comme vous étiez nos invités... Surprise, hein, on va dire surprise. Ça comme ça. Mais vous êtes toujours les bienvenus, donc on va aussi diffuser vos morceaux, puisque on entend votre voix, on parle d'autres choses, mais c'est bien aussi de parler de ce que vous faites. Hein. Bah écoute, c'est gentil à toi déjà de nous recevoir, et puis surtout... Bah, mais bon, on se recalera un truc avec vraiment votre émission, il n'y a pas de souci. On se calera avec une guitare et tout, t'inquiète. Ouais, parce que là, vous êtes venus un peu les mains dans les poches. Ah oui, carrément. En amoureux, voilà. On s'est dit, tiens, il faisait beau, on a été se manger une petite glace, et puis c'est vrai qu'il fait beau, il fait un super temps. Il y a des fois, en été, il ne fait pas aussi bon qu'aujourd'hui. Ouais. Hein. Franchement, une très belle journée. C'est pour ça que, bon, si vous êtes sur votre terrasse, là, peut-être il commence à faire un petit peu froid, donc vous pouvez mettre une petite laine ou rentrer à la maison. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis, écouter de la bonne musique, voilà, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux, hein, franchement. Ouais, c'est. On va écouter tout de suite le groupe Turn Off, avec le son du ska, et on va écouter un morceau qui s'appelle Alerte Attentat. Donc c'est un groupe que j'ai rencontré au Son des Blés, tu sais, avec nos amis du Son des Blés, ouais. Hein, cette association qui fait des concerts régulièrement. Et je les avais vus à cet endroit-là, et depuis, voilà, on s'est recontacté, et ils sont venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et on a pu faire découvrir à tous les auditeurs de leur radio leur son ska. Les Turn Off, Alerte Attentat. Des habitations à Paris ou une mosquée en Italie. La fumée s'ouvrage, un goût de mort s'en dégage dans les hôtels Colombo. Une synagogue fait son écho. Alerte, attentat, tu n'as pas pris le bon choix. Alerte, attentat, y'a une porte de l'enfant. Alerte, attentat, tu n'as pas pris le bon choix. Hécatombe à 8 ans, tu posais des bombes, prêt à mourir pour tes idées, pour ton jeu ou pour en sauver. Tu danses la vie est triste, on te déploiera plus d'artiste, t'as rien à faire, tout à gagner, en tissant des bombes pour sauter. Notre combat, des gens complètement ravagés, rongés par des idées hachées. Ne t'es pas si les autres, il est temps, toi, c'est de ta faute. Impossible pour les compromis, tu vivrais si sans nos ennemis. Alerte, attentat, tu n'as pas fait le bon choix. Alerte, attentat, la riposte de l'antifas. Alerte, attentat, tu n'as pas fait le bon choix. La coupe tennis sans une mention, sans trop bosser, faut dire aussi

extraordinaire. Je veux la justice sur cette terre. Je ferai barrière de mon harpon. Je n'ai pas peur de tes prisons. Si j'ai peur, l'oiseau. C'était le groupe Roraima. Ils étaient venus ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel le vendredi 25 février pour l'émission numéro 499. C'est la première fois que je les recevais, mais on a passé un très bon moment ensemble. Donc c'est un duo, hein, et Ils font de la musique trip-hop, et donc la musique dans laquelle on peut voyager, comme on a pu le voir. Et donc Roraima, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Roraima? Du tout. Du tout. Toi, Jen? Oh, pas du tout. Donc c'est un endroit qui se situe, si je me souviens bien, en Amérique du Sud, je ne me souviens plus exactement quel pays, et c'est un endroit où il y a un monolithe énorme au milieu de la jungle, donc il y a le côté végétal, et un monolithe, donc un bloc de minéral en plein milieu. Donc c'est pour ça, leurs deux couleurs, c'est le marron et le vert, donc d'accord. Roraima. Et l'album en plus s'appelle 2810. Voilà, 2810, c'est la hauteur de ce monolithe là. Donc voilà, c'est pour la petite histoire, pour les gens qui connaîtraient pas. En tout cas, c'est super musique, et en plus c'est des gens qui sont passionnés et qui ont envie de faire aussi de la musique de film. C'est vrai que ça irait bien pour des séquences, des clips un peu où on voit des trucs de nature, des trucs vus avec des drones. Moi, je vois bien ça comme ça. Donc Roraima qui nous interprétait donc un morceau qui s'appelle Monolithe, tout simplement. Juste avant, c'était pour l'émission numéro 498, c'était les Red Daft qui étaient venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je vous rappelle que c'est aujourd'hui la sortie de leur album physique, mais nous, on avait pu découvrir les morceaux il y a quelque temps, donc c'était le vendredi 18 février. Ils étaient venus ici dans les studios et on a écouté un morceau qui s'appelle Captain Watson. Encore avant, c'était l'émission numéro 497 avec notre ami Mourad. Et Mourad nous avait fait une interprétation. D'ailleurs, c'est l'interprétation de l'émission. L'interprétation de l'émission. Donc, ça avait été enregistré en direct live dans les studios. Ça s'appelle À mes parents. Et on avait commencé avec Turn Off, donc j'avais dit que c'était du ska. C'est vrai que c'est pas le morceau le plus ska. Par contre, on peut dire que c'est du rock cuivré. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est le morceau Alerte Attentat. Voilà. On a encore quelques morceaux à écouter, mais on est un peu dans les temps hein, quand même, parce qu'on s'est dit on a pas mal de choses à diffuser. Donc c'est pour ça qu'on a diffusé plusieurs morceaux à la suite. Mais on va aussi diffuser des morceaux de David McLean et de Jimmy Sugar. Ah bah, c'est pour ça. Hein. Ça, c'est quand même important. Donc, on essaie de se trouver une petite place un peu pour passer vos morceaux. Et on a parlé aussi d'autres artistes. Donc, on va essayer de voir. On va voir au fur et à mesure tous les artistes qu'on va pouvoir diffuser. Je voudrais revenir juste un petit peu sur Ami Mourad, parce qu'il fait partie des gens que j'aime bien dans l'écriture. J'attache beaucoup d'importance, tu sais, à l'écriture. Ah bah oui, surtout que on sait que la langue française, c'est pas si facile que ça, parce que bon, chanter en anglais, à la limite, Biba Peloula, I Love You Baby, ça sonne bien. Mais dès qu'on attaque la langue française, eh ben surtout pour un public français, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que sinon n'importe qui peut faire n'importe quoi. Bon, aujourd'hui il y a des gens qui font n'importe quoi aussi, mais ça passe. Mais bon, pour il y a quand même, je sais pas, des beaux textes. Parce qu'on peut dire que c'est pratiquement des poèmes. Il y a, je sais pas, c'est beaucoup plus proche quand on dit les choses en français. Toi qui es un défenseur de la langue française, tu le sais très bien, ça. Ah, bien, j'ai eu plusieurs conversations sur ce plateau avec des tas de gens là-dessus. Et effectivement, oui, moi je pense que. Ouais, mais après, il faut le sentir. C'est vrai que bon. Si on le sent pas, c'est pas la peine. Hein. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. On le sent, on a envie d'écrire, on a envie de mettre des belles paroles. Mourad, en tout cas, lui là-dessus, il excelle. Oui, exactement, c'est le mot. Il excelle. Il a des très beaux textes. Il a des très belles chansons avec du sens. Ouais. Et des fois, des idées que tout le monde a, c'est des choses simples. Voilà. Et pourtant, il en parle tellement bien que. Mais c'est souvent le plus difficile, hein. C'est pas. Il y a bon, moi j'aime beaucoup Benabar, comme tu le sais, et j'entendais justement cette semaine des émissions qu'il avait sur une autre radio, bien sûr. Et, non, mais s'il veut venir dans la nôtre, il y a pas de souci. Écoute, je vais essayer d'aller le voir la mardi prochain. Donc d'accord, tu lui dis. J'inviterai. Imagine, il vient. Bon, on sera très content en tout cas de l'accueillir. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Et il parlait justement de des chansons à texte et à message. Alors c'est vrai que c'est, bon, y en a, moi-même j'ai fait quand même quelques chansons à message, et il disait que bon voilà, après on le ressent, on le ressent pas. Il y a des gens qui le font bien, il y a des gens qui le font moins bien, voilà, c'est mais parler du quotidien c'est quelque chose de difficile, parce que mais c'est vrai que Benabar là-dessus il a des chansons, tu me dis ouais, mais attends, il raconte des choses que tout le monde a vécu, tout, des choses simples, et mais il en fait un truc de super bien. Bah, bien sûr, bien voilà, sûr. C'est... Et c'est difficile. Mourad est un petit peu dans cette lignée-là aussi. Donc j'aime bien ce qu'il fait, Mourad. Et ça fait partie des gens, effectivement, dans la région qui méritent à être connus. Bah, il est connu maintenant. Hein, oui, Mourad, partout. Oui. Et, mais voilà, quoi. Donc ses chansons, son répertoire et méritent d'être connus. Voilà. Très bien, bah, c'est pour ça qu'on le diffuse, hein. Et il revient ici dans les studios quand il veut. Parce que franchement, moi, j'adore le personnage, j'adore la personne. À chaque fois que je viens ici, on se parle comme, c'est marrant, il y a des gens comme ça qui sont venus dans l'émission. Il y en a certains, ils viennent, voilà, on a des rapports, voilà, animateurs de radio, artistes, et puis voilà, ça va pas plus loin. Et il y en a d'autres, on a l'impression qu'on les connaît depuis toujours. Ah ouais. Moi, j'ai cette impression-là. Donc, ils me parlent de choses, très personnel, moi aussi, et puis on parle de nous, on parle, et voilà, on parle pas forcément de la musique. C'est marrant, on va plus loin. Et on le ressent bien, comme ça, voilà. On ouais, bah, tout a l'impression à fait, de se connaître. Ouais, je te comprends. Et... ouais, c'est marrant, hein. Ouais. Et donc, moi, tu fais partie de ces gens-là, hein. Bah ouais. La semaine dernière, on a reçu aussi Rossi. Rossi, oui, Rossi qui fait franchement des... super agréable, des petites chansons sympathiques. Ah tout, ouais, moi, mais vachement bien. Moi, il y a des morceaux que j'ai super adoré, hein, franchement. Mmh. Et en plus, après, il interprète aussi. Il a fait des interprétations en direct live en s'accompagnant de la guitare et d'autres interprétations sur un fond enregistré. Donc, ouais. Il a fait les trois choses. Franchement, j'ai adoré. En plus, il y avait Alicia qui était là, donc on a fait des photos oui, ensemble. J'ai entendu d'ailleurs qu'Alicia était là. Ça fait 20. Ouais, parce que Alicia, je peux pas dire que ça fait 20 ans que je la connais, parce que c'était aussi de la photographe. Il y a eu Morgane, il y a eu plusieurs photographes, et Alicia, à un moment, me suivait aussi. Et bah, la vie a fait que maintenant elle est plus dans la région, donc elle est sur Paris. Et là, elle savait que je faisais l'émission. Elle était dans le coin. Elle dit, papa, je te rejoins là-bas, il y a pas de souci. Puis elle est venue ici. Puis donc elle a découvert Rossi. Et puis elle aime bien aussi le contact. Elle est un peu comme moi. Elle aime bien le contact avec les gens. Elle connaissait pas du tout. Et elle a dit, franchement, c'était bien. On s'est bien amusé, tout ça. Voilà, c'est des bons moments dans l'émission Mavrica. Ouais. La semaine d'avant, là, c'était la 500e, donc c'était le groupe No Blush, donc qui était venu dans les studios. Alors No Blush, on connaît les membres, hein, ils ont un peu évolué, et donc cette fois-ci, maintenant ils sont 5. Il y a toujours Seb et Amandine, hein, voilà les deux constants, et d'autres gens se sont venus s'étoffer. Étoffé, ouais, donc un synthé, une basse, une batterie, une guitare, voilà, il y avait tout ce qu'il fallait. Et donc, ils avaient fait aussi des interprétations en live. Malheureusement, pas ce jour-là, la 500e, il fallait que ça nous arrive à ce moment-là. C'est-à-dire que Florent avait loupé un peu l'enregistrement, et nous aussi, on l'a loupé. Donc, il arrive comme ça qu'on n'ait pas le podcast, donc il n'y a pas eu de podcast. Mais bon, on va quand même fouiller, on va voir, parce qu'on a eu un souci avec un ordinateur. Si on arrive à trouver le truc... Voilà, on lâche pas l'affaire. Mais sinon, il faudra refaire une autre 500e. Mais sinon, de toute façon, ils sont toujours les bienvenus, parce qu'il y a des enregistrements qui sont en cours. Donc, dès qu'il y aura un nouveau CD, je crois qu'il y a un EP 4 titres qui va sortir. Donc, dès qu'il sera là, bah, ils reviendront. Hein. Ils sont venus de la région parisienne, mais c'est pas la première fois. Donc, ils connaissent le chemin, il n'y a pas de souci. Donc, s'ils ont envie de revenir. En tout cas, les photos sont là. C'est toujours les souvenirs. Donc, les photos sont là. Elles ont été partagées dans la semaine dernière. Les photos de Rossi, les photos de No Blush, Raima, etc. Vous pouvez aller sur le Facebook de l'émission Mavrica, donc vous allez sur vos photos, les albums, et dans les albums, vous avez toutes les émissions, et sont rangées dans l'ordre en plus. Ça tombe bien. Ça m'a bien aidé en tout cas pour le plan de cette émission. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute un petit peu de musique? Juste, je voulais parler, enfin oui, parce que la semaine dernière, j'ai écouté, et t'as passé un titre de notre armée, Hervé Derhoff. Ouais, Hervé, ouais. Ah ouais. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter Hervé. Bah, lui, c'est pareil. On parlait de Mourad tout à l'heure. Lui, c'est pareil. C'est un magicien de la langue française. J'aime bien. Oui, c'est bien ce qu'il fait. Et puis, il dit des choses, des fois, On voit que ça vient de des tripes et on voit que c'est sa manière de penser et donc moi je me reconnais beaucoup dans ce qu'il dit et il y a des très belles chansons voilà c'est non ah ouais c'était et je me rappelle moi je t'avais écrit sur Facebook je t'avais dit je me rappelle du jour où il était venu en Twingo de Brest parce qu'il vient de Brest quand même hein, il vient de Brest toi, hein, voilà. De Brest et que avec son spécialement piano spécialement pour l'émission de Marika c'est ça qui est dingue parce qu'on se dit bon il y en a qui viennent ils font un concert et puis ils repartent lui non il vient ici il fait l'émission. Après, il se prend un hôtel, il dort, il repart le lendemain. Ah, quoi. Ouais. Il vient pour l'émission. Mais c'est toujours un plaisir de le recevoir. Et puis, c'est quelqu'un que super agréable, super sensible. Moi, je le sens comme ça. C'est quelqu'un qui met vraiment tout dans ses chansons. C'est superbement interprété. Alors, il est auteur, compositeur. Et à l'origine, c'était pour d'autres personnes qui voulaient composer et écrire. Et finalement, il s'est dit, qui mieux que moi peut interpréter ces morceaux? Et c'est vrai que... qui mieux que lui. Là aussi du travail bien fait, de la bonne composition, c'est le niveau professionnel, ça, c'est super bien fait. Donc ouais, je voulais te faire un petit clin d'œil parce que quand t'as passé un titre la semaine dernière, je me suis dit ça fait plaisir quand même de voir que ça continue quoi pour lui. Mmh. On avait fait une émission il y a pas très longtemps. J'ai oublié Hervé Deroff, mais on va en caler un morceau. Pourquoi? Parce que comme il est pas venu, il y a pas de photo. C'est pour ça que moi je regarde dans les albums, il n'apparaît pas. Et j'allais me faire avoir. Heureusement que tu parles de lui, parce qu'on a fait une émission, il devait venir et ça s'est pas fait au dernier moment. On a fait une émission par téléphone. Donc pendant pratiquement, on n'a pas fait 3 heures, mais au moins 2 heures, on était là ensemble en train de discuter par téléphone. Il me racontait ses trucs et tout ça, et on écoutait ses musiques. Voilà. Donc on va écouter un petit morceau de lui, bien entendu. Oui. On écoute d'abord No Blush, avec un morceau qui s'appelle Get Down. C'est le tube hein, pour moi. C'est un morceau qui est entraînant, qui est super agréable. On écoute donc No Blush avec Get Down, et ça sera suivi de Rossi Kinkela. Le morceau, j'ai pas encore choisi. On va le choisir. Voilà. C'est parti. Before the crime. qu'on l'appelait Tomouille, surpris par des averses. Quand rien n'arrive ou tu attends, chante à cappella. Que t'as la trouille, quand tout tourne à l'envers, quand rien ne va, quand tu l'entends. Chante, évite les embrouilles, tout est déjà de travers, de la hauteur pour mieux voir devant. Chante à cappella. Voilà, donc Rossi Kinkela avec les embrouilles, voilà. Bah, tous les morceaux qu'il m'a apportés étaient super bien, super entraînants. Et c'est vrai que c'est entraînant, moi, ça me donne envie de danser. Il y a un rythme bien, c'est bien rond, et des bonnes basses, des bons synthés, des bonnes guitares. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans, des percussions, ouais. Et la batterie, tout ça. Et puis, les embrouilles. Voilà, donc c'était notre invité de la semaine dernière. Et juste avant, c'était donc No Blush avec le morceau Get Down. Voilà, ça me revient. Oui, par contre, il y a aussi quelque chose qui m'est revenu. C'est que tout à l'heure, j'ai dit que Willy était le chanteur d'un groupe que j'avais reçu. Et le nom, forcément, c'est quand on veut le citer, qu'on s'en souvient plus. Donc c'est Black Inside. Voilà, ah, Black exact, Inside. Ouais. Il était venu ici en tant que chanteur du groupe Black Inside. Donc ça fait quelques années. Oui. Et depuis maintenant, il fait quelque chose de différent parce que Black Inside, c'était quand même le groupe qui envoyait du bois. Ouais, hein, du bois, ouais, envoyait du bois. Et en plus, les interprétations en français, tout ça, c'était... Moi, j'aimais bien, en tout cas. Voilà, donc, on va avoir le temps de tout faire. On est presque dans les temps, même si on dépasse un petit peu. Alors, on avait dit qu'on écouterait un petit morceau d'Hervé Deroff. Oui, oui, oui. Donc Hervé Deroff, on va écouter avec le morceau qui me demande à chaque fois. Je dis Hervé, je passe quel morceau, t'as une préférence? Il m'a dit À marche forcée. Donc on va écouter À marche forcée. Ah ouais. Donc ça parle de choses de la vie. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc ça parle des gens, le mal-être au travail, et les gens qui vont travailler qui sont pas bien finalement dans leur travail. Ils le font parce qu'ils sont obligés de le faire. Et donc je propose qu'on écoute tout de suite ce morceau de notre ami Hervé Deroff. Comme à lundi. Vivement vendredi. Mon chef, c'est un con. J'ai pas le choix. Faut bien gagner sa croûte, hein. Je suis un rouage, une puce dans la machine. Je ne vis plus, je fonctionne. Je suis un réflexe imbécile. En ordre et à marche forcée, en ordre et à marche forcée. Je suis un rendement, un employé très sûr, un bon petit soldat, le doigt sur la couture. En ordre et à marche forcée, en ordre et à marche forcée. Très long, je carbure au café juste pour tenir le coup et rester éveillé. En rang, en ordre et à marche forcée. En rang, en ordre et à marche forcée. Ma tête n'est jamais aux heures qui s'écoulent. Là où je ne suis pas, je fais semblant, je déroule. En rang, en ordre et à marche forcée. Ils ont l'amitié au grand air, ils ont le cœur à portée de main. Ils sont mes potes et j'en suis fier, je veux les garder. jusqu'à la fin. Ils sont plus profonds que l'amour, ils ont les forts que le destin. Ils ont le cœur d'un mal, ils trouvent l'eau plus fort que le destin. Et j'en suis fier. S'il y a une chose dont je suis fier dans ma vie, ce sont mes copains. Ils sont un peu comme mes frères, c'est le gratin du genre humain. Ils ont l'amitié au grand air, ils ont le cœur à portée de main. Ils sont mes potes et j'en suis fier, je veux les garder jusqu'à la fin. C'est pas ce qu'on appelle des gens bien, ils sont bien mieux, c'est les soleils. Si par hasard je ne vais pas bien, c'est leur présence qui me fait merveille. Car pour noyer leur gros chagrin, ils savent bien choisir les bouteilles. Et j'en suis fier. S'il y a une chose dont je suis fier dans ma vie, ce sont mes copains. Ils sont un peu comme mes frères, c'est le gratin du genre humain. Ils ont l'amitié au grand air, ils ont le cœur à portée de main. Ils sont mes potes et j'en suis fier, je les garde jusqu'à la fin. Je veux dédier cette chanson à tous ceux qui sont mes copains. Les miens se reconnaîtront, ils sont les meilleurs de mes copains. Car si mon monde tourne rond, c'est grâce à eux, je le sais bien. Et j'en suis fier. S'il y a une chose dont je suis fier dans ma vie, ce sont mes copains. Ils sont un peu comme mes frères, c'est le gratin du genre humain. Ils ont l'amitié au grand air, ils ont le cœur à portée de main. Ils sont mes potes et j'en suis fier, je veux les garder jusqu'à la fin. S'il y a une chose dont je suis fier dans ma vie, ce sont mes copains. Ils sont un peu comme mes frères, c'est le gratin du genre humain. Ils ont l'amitié au grand air, ils ont le cœur à portée de main. Ils sont mes potes et j'en suis fier, je veux les garder jusqu'à la fin. S'il y a une chose dont je suis fier dans ma vie, ce sont mes copains. Ils sont un peu comme mes frères, c'est le gratin du genre humain. Ils ont l'amitié au grand air, ils ont le cœur à portée de main. Ils sont mes potes et j'en suis fier, je veux les garder jusqu'à la fin. S'il y a une chose dont je suis fier dans ma vie, ce sont mes copains. Ils sont un peu comme mes frères, c'est le gratin du genre humain. Ils ont l'amitié au grand air, ils ont le cœur à portée de main. Ils sont mes potes et j'en suis fier de les garder jusqu'à la fin. Avec les applaudissements, voilà un petit souvenir. Alors... Ah ouais, il y a bientôt 10 ans, je me souviens. Au début, j'ai tiqué, je me rappelais plus quand. Après, je me rappelle parce que on a recherché là pendant qu'on diffusait le morceau. J'ai trouvé que c'était l'émission numéro 159, sachant qu'on est à la 502e, donc ça date quand même un petit peu. Et on est remonté dans le temps, donc au vendredi 11 octobre 2013. Oui, hein. Alors à cette époque-là, effectivement, là, on peut voir les photos. Je vous conseille d'aller, si vous intéressez à tous les artistes qui sont passés dans l'émission Mavrika, il faut aller sur le Facebook de l'émission Mavrika. Et là, c'est Benji, le bassiste de. Comment s'appelait son groupe? Hundred Miles. J'ai le t-shirt en plus, Hundred Miles. Un très très bon groupe. Même Julien. Julien. Alors ça fait drôle parce que le temps passe, hein, et c'est vrai que ça fait déjà presque 10 ans. Hein, donc. Bah ouais. Et c'est marrant parce que ce jour-là, il y avait une passation de pouvoir entre Benjamin. Tiens, il y avait Fred aussi. Il était là. Et le comment il s'appelle et Alex. C'était le parce que Benjamin partait au Canada et Alex venait le remplacer pour venir jouer avec nous. Ah bah oui, c'est vrai. Donc il y avait le passage entre les deux. Ah ouais, c'était vraiment le passage. Et puis il y avait Miguel. Il y avait Alain Tessier qui était là en tant que photographe. Voilà, donc tous les gens qui ont participé à l'histoire de l'émission Mavrika, hein, donc des gens qui j'ai régulièrement des petits gemmes de d'Alain qui est sur Pithiviers, qui continue à faire ses photos, toujours aussi passionné par la musique. Miguel, j'ai pas tellement de nouvelles, je crois qu'il a laissé tomber un peu la musique. J'ai vu à un moment donné, il s'est remis à la photo. Ouais, à la photo. Ouais. Voilà, j'ai vu quelques photos qui étaient bien sympathiques d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire qu'il a il aime bien le noir et blanc puis des manières de voir les choses, des choses. Et c'est pareil, son groupe Mabkara, ça sonnait bien. On a des enregistrements, on a plein de choses. Hein. Et c'est vrai qu'il y avait des bonnes compos et j'aimais bien les écouter ces morceaux-là. Mais bon, ça fait partie de l'histoire. Donc aujourd'hui, il est peut-être passé à autre chose. Il a fait la photo, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, ça fait partie de l'histoire et vous pouvez retrouver des photos de ces gens-là qui sont venus dans l'émission Morica. Et je constate qu'en 2013, tu avais beaucoup plus de cheveux sur la tête. Il en avait plus, mais ils étaient moins longs. Oui, moins longs, mais plus. C'est là maintenant. Et puis j'étais plus brun que maintenant. Hein, ouais. C'est maintenant. Ah bah oui, le temps passe. Ouais. Hein, comme quoi, en 10 ans, c'est beaucoup dans la vie. Et c'est vrai que l'émission, elle va avoir 12 ans très bientôt. Ouais. On a fait la 500e il n'y a pas très longtemps. 12 ans au mois de juin, donc le temps passe, mais bon, on espère faire ça encore autant. Autant de temps, voilà. si c'est pas plus, hein. Si on aimerait bien aussi qu'ils nous relèvent après, qu'on continue à faire une émission pour recevoir les artistes de la région orléanaise et d'ailleurs. Voilà, un petit souvenir, donc mes copains. Ah ouais, je me suis bien planté d'ailleurs, un peu en plein milieu, des paroles, comme à l'habitude. Bah comme, et ça fait partie de l'histoire, c'était l'instantané, à ce moment-là où tu t'es planté un moment, mais t'as bien rattrapé. Si on fait pas attention, on l'entend pas, mais étant donné qu'on connaît le morceau, forcément. Mais je sais plus qui c'est qui me faisait rire aussi, je crois que c'était pas Mais c'était vraiment du live, du direct, on trichait pas, c'était vraiment le son comme ça qui sortait dans les studios. Ah ouais, c'est vrai, c'était enregistré ici dans les studios, avec les mêmes micros, la même console, hein, ça n'a pas tellement changé. Bon, ça va changer très prochainement, mais à l'époque, c'était comme ça. Ah ouais, j'ai vu défiler, t'as fait défiler des photos tout à l'heure, j'ai vu Eric Thorel aussi, c'est pareil. Avec Eric Thorel, On a fait des. Il faut aller regarder parce qu'effectivement, il y a toute la liste. Voilà, on va essayer d'y aller si l'ordinateur veut bien répondre. Effectivement, il y en a un paquet. Je me rappelle, on avait enregistré une version de comment ça s'appelle de Lola de Renaud où il chantait. Ça chante. Allez, tête. Oh, les petits genoux. elle n'est pas si vieille que ça, cette photo-là. Non, elle n'est pas si vieille que ça. Parce que c'était une fête de la radio. On retrouve des photos où on est tous les deux ensemble. ça devait être en 2018, il y a 4 ans quand même. Bon, le temps passe aussi, hein. Et je me rappelle, c'était la fête de la radio, ça. La fête de la radio. À Fleury. Mm-hmm. Et le temps passe, malheureusement, on peut pas l'arrêter, donc on est obligé de faire avec, hein. Bon, là, je regarde. Disons, il y a plein de groupes qui. Il y en a certains qui sont passés qu'une seule fois. On n'a jamais eu de nouvelles. D'ailleurs, on ne sait pas si ça continue de tourner. Il y en a d'autres qui sont venus, qui sont revenus. Hein. Je vois par exemple les Shaky Metz. Voilà, un groupe qui tourne et ils n'arrêtent pas de tourner. En plus, excellent. C'est un groupe qui a participé à Mavericka Live. Alors, on voit des photos, plein de photos. Koda, c'est pareil. Ça existe encore, ça, Koda? Koda, on n'a pas tellement de nouvelles. Le groupe Panama qui n'existe plus. Oui, c'est ce que j'expliquais avec Jimmy. Chris. Maintenant, Chris, il fait pour les enfants. Pour les enfants. Il était venu ici pour nous parler de ça. D'ailleurs, on avait fait une émission avec lui. Kazouzou, ouais, c'est ça. Très bien. Tiens, il y a même une photo. Tiens, il y en a même une photo de Florent. De Florent, voilà. Une petite vidéo qu'il nous avait envoyée. Manu Lorca aussi, un très bon moment. Ouais. D'ailleurs, il va pas tarder à revenir. Hein. Il m'a contacté, il m'a dit qu'il aimerait bien refaire une émission avec nous. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la semaine prochaine, on va le rappeler à nouveau, c'est le groupe Barricade qui sera ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, alors il nous reste encore des petits morceaux à écouter. Il y en a un, c'est un morceau de toi, mais c'est interprété par quelqu'un d'autre. On l'a passé la semaine dernière. Alors tu sais de qui je veux parler? Ah oui. Je voudrais que nous en parles parce que moi c'est une découverte. Je cherchais un morceau de toi et je suis tombé là-dessus. Alors j'ai retrouvé, j'ai pris le son là, de ce qu'on a écouté. J'en avais récupéré aussi d'autres de toi. Et j'étais tombé sur un morceau de toi, mais pas interprété par toi. Et j'ai dit, tiens, j'ai déjà entendu parler de ce groupe-là, mais je l'avais jamais vu. Je m'étais jamais vraiment intéressé à ce groupe-là. Je ne connaissais pas. C'est très agréable parce que j'écris pour Jamie et je compose pour Jamie. Ce qui est très agréable, c'est de découvrir des gens qui reprennent tes chansons sans que tu le saches, quoi. Ah ouais, d'accord. Tu savais pas, t'étais pas au courant. Non, au départ, j'étais pas du tout au courant. D'accord. Et quand ils m'ont fait la surprise, parce que pour moi c'était une surprise, j'ai trouvé ça très bon. En plus, c'est des bons copains, donc on se marre bien avec eux. Hein, c'est des bonnes parties de rigolade et franche camaraderie.

Une bouteille de rhum et un pack de bière. Elle est bien interprétée, hein. Ouais, en plus, moi, je trouve que l'accordéon va tout à fait bien avec, avec ce style de musique. C'est vrai que. Complètement, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est le côté un petit peu, tu disais, voilà, Soldat Louis, ils aiment bien ce côté un petit peu, bah, de toute façon, c'est une chanson presque bretonne, ça. Bah, disons que je suis à moitié breton, donc, forcément, il y a des, il y a des gènes, comme dirait l'autre. Bah oui, ça se révèle, hein. Et en fait, ouais, c'est ce que je disais à Jem, c'est presque plus breton que la mienne, donc ma version, leur façon de, ouais. de la jouer. Mais voilà, c'est des bons copains et il faut aller les voir. D'ailleurs, on va faire, ils organisent un festival au mois de juin à Rouvry. C'est ça, c'est Rouvry, hein. Oui. Rouvry. Rouvry. Et ils m'ont invité à venir chanter là-bas, donc je vais aller chanter le 11 juin. Dans l'après-midi. D'accord. Et eux, ils chantent, je sais pas quand. Et Brandzang, qui est le groupe vedette, c'est Brandzang le soir. Voilà. Ok. Et donc que du beau monde, quoi. Ah ouais, ça va être sympa. C'est faut y aller. En plus, c'est gratoche, donc il y a pas de raison de s'en priver. Hein. D'accord. Donc au mois de juin, on a le temps d'en reparler. Ouais, d'ici bien là. Sûr, voilà. bien sûr. Très bien. Puis on va venir quand même. On a gardé presque le meilleur pour la fin. Voilà, c'est que justement tu es venu avec Jamie et Jamie, c'est pareil. Aujourd'hui, tu composes des chansons avec elle. Pour elle. C'est toi qui les composes pour elle. D'accord. Voilà, ouais. Ah, vous le faites pas ensemble. Non, en fait, elle, Il t'impose, finalement les chansons. Non, je lui donne des fois, voilà, je lui donne des idées. Elle me commande, elle me fait, voilà, j'aimerais bien une chanson sur tel thème, sur tel sujet, et j'essaye de répondre à ses attentes, voilà, tout simplement. D'accord. Et celle-là, par contre, j'avoue que, bon, en fait, je l'avais écrit avant de la connaître. Et en fait, quand on s'est rencontrés, je lui dis, écoute, j'aimerais bien écrire des chansons pour toi si ça t'intéresse. Et elle m'a avoué après qu'elle s'est dit, ouais, t'as encore un plan de rag et tout, manananana. Bah oui. Bah, en même temps, les mecs avec les guitares, ils ont toujours cet avantage, c'est qu'ils, par rapport au batteur, par rapport au bassiste, ben voilà, pour draguer, c'est quand même mieux. Hein. Ah bah, ça va vite, là. Et donc, je lui dis, voilà, ouais, la seule condition, c'est que, voilà, moi, pour écrire pour quelqu'un, faut que je connaisse la personne, pour voir lui mettre mes mots dans sa bouche, hein, c'est le cas de le dire. Il faut que je connaisse la personne, savoir ce qu'elle ressent, savoir ce qu'elle a vécu, etc. Et je lui ai proposé de venir à la maison et qu'on discute un petit peu, qu'elle se présente, quoi. Et donc elle s'est présentée à moi, tout ça, nanana, et tout de suite elle m'a dit, de toute façon, il n'y a qu'un mec qui compte pour moi, c'est Johnny. Ah bon? D'accord. J'ai dit, bah écoute, moi j'ai fait une petite chanson, voilà. Je me sens pas spécialement de la chanter. Je l'ai fait en réaction par rapport aux critiques qui avaient été faites sur les fans quand Johnny est décédé. J'ai dit, si tu veux, je pense que tu seras toi-même à même de la chanter et que ça pourrait, je pense que ça pourrait te coller à la peau. Et je lui ai fait écouter, alors ça l'a fondu en larmes. Et on a mis, avant qu'elle puisse la chanter sans pleurer, vraiment, il y a au moins eu 6 mois, hein, à peu près. Oh oui, au moins. Oui. Au moins 6 mois. Et donc, on a mis cette chanson, on a enregistré cette chanson, on a fait le clip, et on a diffusé ce clip donc sur Facebook, sur YouTube. Il a fait 100 000 vues à peu près sur Facebook. Donc on était contents, mais ça nous a ouvert aussi des portes par rapport aux fans, par rapport aux gens qui connaissaient Johnny et tout ça. Et aujourd'hui, on a invité, enfin Jamie qui est invité, parce que moi je suis tout derrière. Hein. Jamie est invité dans pas mal d'endroits, un peu grâce à cette chanson. Hein? Bah c'est pas qu'un peu, c'est grâce. Grâce à la chanson. Je le dis, hein, moi je le dis, c'est grâce à cette chanson que je suis invité partout. Donc voilà, tu demandais à la connaître un petit peu avant. Finalement, t'as trouvé les bons mots, t'as trouvé la bonne musique, t'as trouvé exactement le morceau qui... Il avait déjà ses bagages. Hein. Voilà, qui allait parfaitement avec Jamie. Ah, ça pouvait que coïncider avec elle. Et franchement, je me voyais pas spécialement la chanter. Je l'avais mis sur Facebook vite fait quand je l'ai composé. Je l'ai composé la nuit du 6 au 7 décembre 2017. J'avais vite fait mis comme ça sur Facebook, mais voilà, c'était plus une réaction par rapport à ce qui avait été écrit contre les fans, où les gens se moquaient d'eux parce qu'ils étaient tristes. Mais je me sentais pas spécialement de la chanter. Et quand Jimmy m'a parlé de Johnny, et sa façon de me parler de Johnny, j'ai dit, voilà, c'est pour elle, cette chanson. Et puis, je crois que je me suis pas trompé. Hein. Ah non, pas du tout. Voilà. Donc, je lui ai proposé, elle a accepté. Et puis, voilà, ça a donné cette chanson qu'on va écouter, je crois. On va écouter tout de suite. Donc, le morceau s'appelle... Au revoir, Johnny. Au revoir, Johnny. Jimmy Sugar. Qu'il n'y a plus d'espoir, qu'on te voit sur Paris, plus jamais quelque part. Ou alors, comment dire, au fond de nos mémoires, leur prix anéanti, tes copains de toutes parts, leur un frère, un ami, un morceau de mémoire, un morceau de nos vies, au bout de notre histoire. Elle est une mélodie du je t'aime, du trop tard, du trop tard. Tes chansons dans l'histoire, des rêves, des mélodies, des refrains, des histoires. On chantera entre amis, trinquant à ta mémoire. Maintenant que tu es parti, t'as poussé ta guitare. On sait tous que la vie nous quitte tôt ou tard, mais la vie d'un ami, c'est jamais assez tard. Maintenant que tu es parti, ça laisse un goût bizarre, un goût d'inaccompli, un putain de cafard. Certains trouvent anormal de pleurer une star. Comment pleure un ami, il trouve ça bizarre. Mais combien laisse de vie sur un air de guitare? Combien d'amour aussi te doit être là ce soir? Mais combien laisse de vie sur un air de guitare? Alors salut Johnny, vraiment le coup de dépasser un petit peu sur les horaires hein, pour écouter ce morceau, superbe morceau, Au revoir Johnny, qu'on a déjà diffusé dans l'émission Mavrika, mais bon, toujours autant d'émotions et des très belles images en plus hein, dans ce clip. Écoute, c'était une première pour moi parce que j'ai réalisé ce clip avec l'ami, mon ami Steve Hprod. J'ai dit, allez, vas-y, je voulais faire un clip et je me suis dit, allez, je vais le réaliser comme ça, je vais essayer. Et j'étais content du résultat. Il y a des petits défauts quand on regarde bien pour les professionnels. Oui, bah, mais je pense qu'on... J'ai rien vu de spécial, mais j'ai trouvé que tout était très bien, en tout cas. Mais je pense qu'on a fait un truc sympa. Et je te dis, en plus, qu'il y a plu parce que, on a eu des commentaires dithyrambiques dessus sur les réseaux sociaux. Et puis ça a ouvert les portes à Jimmy quand même sur beaucoup de choses hein, et la chanson aussi a beaucoup plu et il y a des très proches de Johnny qui ont fait des commentaires aussi et qui nous ont dit, puisqu'on les a rencontrés hein, comme Jean Renard qui est l'auteur de Que je t'aime. Ouais. Qu'on a rencontré, qui a écouté la chanson, qui l'a trouvé très très bien d'ailleurs, pour pas dire qu'on dit des conneries, c'est que on a diffusé qu'on a diffusé sur Facebook où il est en train de parler de la chanson, où il en parle avec le propos. Ouais, il y a lui. Ah ouais, quand même, cette chanson que je t'aime. Voilà. Prends des cheveux, c'est étale. Voilà. C'est dire, ouais, une très belle chanson. Hein. Il a fait plusieurs chansons pour Johnny, pour d'autres. Et donc, il a beaucoup aimé la chanson. Il nous en a fait beaucoup de compliments. Il y a aussi, comment ça s'appelle? Pierre Millon. Il y a aussi Greg Slapp, qui était l'harmoniciste le dernier harmoniciste de Johnny. Enfin, toi, il y a Daniel Angeli aussi. Voilà, des gens très proches de Johnny qui nous ont fait beaucoup de compliments dessus. Et je crois que, voilà, on a bien tapé sur le, comment ça s'appelle, on a réussi un autre coup, quoi, c'est là-dessus. On est très fiers. Merci Johnny. Y a de quoi, hein. Merci Johnny. Ah, merci et Johnny. Un petit message, et on le voit à la fin qui apparaît aussi dans le clip. Oui. Donc, petit clin d'œil à Johnny, notre Johnny national, hein, ouais. Même s'il était belge. Bah, en fait, non, dernièrement, j'ai sorti ça et on m'a dit, mais non, il est né à Paris. Ouais. En 1943. Ouais. Ouais, et puis quand il est apparu à la télévision au début, il disait qu'il était américain. Ouais. Il avait un petit peu menti, mais bon, on lui en veut pas pour ça. Mais il avait tellement ce style américain aussi. Donc, c'est lui qui nous a fait un peu découvrir la musique américaine. Bon, parce que c'est inspiré de là. Hein. Toute la musique qu'il aime, elle vient de là. Hein. Ouais, elle vient du blues. et tout le monde connaît ces répliques-là, ces chansons-là, en tout cas. Bah voilà, on arrive à la fin de cette émission. On a dépassé un petit peu. On va remercier tous les gens qui nous ont écoutés, ceux qui nous ont mis un petit message. Voilà, Irène qui nous fait un petit coucou. Irène, elle a pas appelé. Tiens, c'était bizarre. Elle a pas appelé. Elle a appelé la semaine dernière, mais oui, pas aujourd'hui. La semaine dernière. Irène, on lui fait un gros bisou. Et bisous, Irène. En espérant que la santé aille mieux, parce que j'ai entendu qu'elle était pas au top. Donc voilà. Mais déjà, moi je l'ai eu au téléphone. Déjà, ça a l'air d'aller mieux en tout cas. C'est bien. Très bien. Florent nous a envoyé un message pour nous dire que voilà le podcast. Un petit coucou, Florent. Ouais. Et puis franchement, c'est vraiment bien ce qu'il fait. C'est quelque chose. Ouais. Franchement, moi, quand je vois qu'il s'occupe de quelque chose, et tu vois, le jour où il s'en occupe pas, on est un petit peu coincé parce que finalement, on a personne d'autre qui s'occupe aussi bien de ça. Moi, je sais que quand j'officiais dans cette maison il y a quelques années maintenant, c'est vrai que j'adorais ça, sa façon de faire, et puis tout de suite, dès le lendemain, si c'est pas dans la nuit même de l'émission, paf, le podcast était sur le. On avait le lien, on pouvait le partager, pouvait envoyer les gens dessus, les gens peuvent le télécharger, etc. Donc c'est formidable. C'est bien un bon petit travail. Et puis on l'avait rencontré, rappelle-toi, ensemble. On avait fait des photos avec lui, c'était bien, voilà. Ouais, c'était justement, on l'avait rencontré, photo qu'on a vue tout à l'heure, on était ensemble, et il était pas loin. Ah ouais. Voilà, donc on va dire les phrases magiques, hein. Tu connais les phrases magiques? Alors, everything is gonna be alright. Tiens, ça, ouais, everything is gonna be alright en anglais. Ouais, et puis que le rock'n'roll soit avec vous. Ouais, ça c'est vraiment c'est vrai qu'on, Johnny Hallyday aurait pu le dire ça. Ouais. Que le rock'n'roll soit avec vous. Yeah. Ouais, tu le fais bien. Ouais, il le fait beaucoup mieux que moi. Ah oui. Et puis, je voulais juste rappeler que le 8 avril, on sera au bistrot de Bois Commun, à Bois Commun. Ouais. Donc, on vous y attend tous nombreux. On va passer une bonne soirée, on va faire la fête. Tu pourras pas être là parce que forcément c'est un vendredi. C'est un vendredi, bah oui. Et oui, malheureusement. Mais ce sera pour une prochaine. On va essayer de. On a pas mal de dates qui arrivent dans le coin. Enfin, pas dans le coin précisément, parce que on commence à s'expatrier. Hein. On commence à aller loin maintenant. Hein. Ah bah oui, ça fait de la route maintenant. Hein. Ouais. Les concerts en Ukraine ont été annulés là, c'est ça. Ouais, alors toute la tournée en Ukraine qu'on devait faire le mois prochain en Russie pareil, c'est modifié. Alors Moscou, on ne sait pas encore. Vladimir nous a pas interdit vraiment, mais voilà, on ne sait pas si on va y aller quoi. Donc si tu le demandes, t'as intérêt à y aller. Voilà, c'était pour l'humour. On a oublié une phrase aussi, c'est que une vie sans musique serait une erreur. Absolument. Absolument. Hein. Absolument. Surtout pour nous musiciens. Et puis, puis même ceux qui ne sont pas musiciens mais qui aiment comme toi, ouais, qui apprécient la musique, hein. Qui aiment la musique et puis qui font vivre la musique, parce que quelque part, même si t'es pas musicien, tu fais vivre la musique. Ah bah oui, les musiciens me laissent des enregistrements et je les diffuse. Je suis là pour ça. Oui, mais je suis le trait d'union. Je suis le porte-parole, le porte-voix. Les mets en exergue et c'est super. Et ben écoute, merci de nous avoir reçus. Ben, merci d'être passé. Merci, hein, voilà. C'était pas prévu, mais on se recalera une date où on parlera vraiment de votre travail. On ira plus loin de ce côté-là. On était juste venu faire un petit coucou, puis du coup on est resté. Hein. On est là. Et encore une fois, voilà, ben c'est une émission qu'on aime beaucoup, qu'on écoute. Moi, je l'écoute pas tout le temps parce que le travail m'oblige un petit peu. Même moi, je l'écoute pas tout le temps. Mais, non, je plaisante. Mais parfois, il m'arrive de l'écouter, de retomber sur et puis de. Puis des fois, effectivement, aussi, je tombe sur des photos et je me dis, tiens. Ouais. Plein de bons souvenirs. Ouais, voilà. Donc, voilà. Et puis, c'est pas dit que je revienne pas faire un petit tour de temps en temps. N'hésite pas. Petite chronique par-ci par-là, on en avait parlé déjà. C'est vrai que c'est pas évident par rapport aux horaires et tout ça. Mais n'hésite pas, tu prépares quelque chose. Et puis, dans l'émission d'une personne, tu viens. Et puis, en même temps, si tu la connais, c'est une retrouvaille. Si tu la connais pas, c'est une découverte. Absolument. Et tiens, il y a peut-être des trucs à faire. Peut-être prendre des photos et voir les gens qui sont dessus et refaire la même photo, mais 10 ans plus tard, par exemple. Ah ouais, ça serait marrant, ça. Un truc à lancer. On va voir. Je vais peut-être te faire. On en parlera, mais il m'arrive parfois de rencontrer des gens un petit peu connus et tout ça, et faire des interviews puis te les amener. Tout à fait, il y a pas de souci, ouais, pas de problème. On peut faire ça, voilà. Et tu fais partie de la maison, hein, donc actuellement tu peux pas par rapport à ton métier, mais ton autre métier qui te fait vivre, mais quelque part, grâce à l'émission Mavrica, tu viens quand tu veux, quand tu peux, surtout. Et puis, on continue l'aventure. Ah ouais, c'est parfait. Il y a encore une bonne dizaine d'années. Hein. Voilà, donc on va dire au revoir à nos invités. Donc la semaine prochaine, c'est le groupe Barricade pour l'émission numéro 503. Il y a le nouvel album, On en a déjà parlé, ils étaient en enregistrement. Ça y est, ils l'ont. Donc ils viendront nous l'apporter la semaine prochaine. On est vraiment content de les retrouver parce que c'est des gars super bien et qui font de la super bonne musique. Et je propose qu'on écoute un morceau qui a été enregistré dans l'émission Mavrica lors de leur précédent passage. Et c'est un morceau qui est d'actualité. Ah bon ? Ouais, tu vas voir pourquoi ça s'appelle Élection piège à con. Ah, ouais. Bon, c'est d'actualité. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Merci et puis à très bientôt. Merci, alors. Merci beaucoup. Ciao, ciao. On écoute Barricade, Élection piège à. Ça commence plus d'un an avant avec un tas de sondages. Des études de code de popularité de tel ou tel personnage. Grâce à ça, les sondeurs vont nous donner le rang. Lors de l'arrivée, certains des différents concurrents. Les médias prennent le relais, invitent toujours les mêmes guignols. Ils nous servent leur boniment de vendeurs de bagnoles. Mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Y'en a bien qui pensent que leur messie est mort sur une croix. Au fond de toi, tu sais bien qu'ils sont presque tous pareils. Sortent du même moule, fabriqués par le même appareil. Qu'à la fin il restera les deux coquins. Choisi par les patrons, les puissants, les médias. T'as compris ce que je veux dire? Élection piège à con. Puis vient le temps de la campagne avec son lot de débats convenus. Sécurité, immigration, dette publique, les thèmes sont déjà connus. À un moment, les petits partis font entendre leur voix. Et là sur le fond, pas si différente que ça. Ils se disent anticapitalistes, révolutionnaires contre cette société-là. Demandent avec raison les politiciens, leur langue de bois. Alors pourquoi au second tour nous appeler à voter pour l'un des deux requins qui a surnagé au fond de toi? Tu sais bien qu'ils sont presque, presque tous pareils, sortent du même mot, fabriqués par le même appareil. Qu'à la fin il restera les deux coquins, choisis par les patrons, les puissants, les médias. T'as compris ce que je veux dire, hein? Élection piège à con. Car les deux qui restent sont tous pour la même société libérale, qui protège les riches et réprime toujours plus les pauvres, la racaille. La mondialisation, l'exploitation ne sont jamais remises en cause. Et quand ils sont au pouvoir, ils font tous la même chose. Maintenant, au premier tour, j'ai déjà du mal à choisir. Mais au deuxième, là, c'est sûr, je vais m'abstenir. Voter pour le moins pire, très peu pour moi. Entre droite dure et droite molle, je ne tranche pas. De toi, tu sais bien qu'ils sont presque, presque tous pareils, qui sortent du même moule, fabriqués par le même appareil. Qu'à la fin il restera les deux coquins, choisis par les patrons, les puissants, les médias. T'as compris ce que je veux dire, hein? Élection piège à con. Pour le référendum sur le traité européen, j'ai voté non. Malgré le matraquage des médias, les Français ont voté non. Mais on est tous des andouilles, on n'avait rien compris. Ils ont fait voter le Parlement, le non s'est transformé en oui. Au fond de toi, tu sais bien qu'ils sont presque, presque tous pareils, qui sortent du même moule, fabriqués par le même appareil. Qu'à la fin il restera les deux coquins, choisis par les patrons, les puissants, les médias. T'as compris ce que je veux dire, hein? Élection piège à con. Élection piège à con. Élection piège à con. Élection piège à con. Élection piège à con. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles.